Comment t'as fait? J'ai été pissé dans les livres. Bon, écoute. Écoute, ouais, je trouve ça merveilleux. Carrément. À ce point-là. Un walp. Waouh. Quel souffle. Ouais. On me demande d'où tu tiens ça. Bah, je pense qu'à mon avis, c'est un souffleur des années de flûte. C'est vrai. Mmh. On y va? À chaque fois que tu as ce sourire mesquin, alors je me fais avoir à chaque fois. Hein. C'est surtout que tu as quand même dit que tu pissais dans l'évier. À la tienne? Du coup, je vais pas l'enlever, je pense. Ouais? Ah non. Et alors, j'en ai avec quoi? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que j'en ai à ce quoi? De toute façon, je veux dire, mais... hein? D'accord? Non, mais c'est bon, je voulais pas. Eh bien, bonjour et bienvenue dans l'épisode 18. Je suis obligé de regarder parce que je ne sais plus où nous en sommes. Mais c'est ça. Donc c'est déjà l'épisode 18, comme quoi, et ça passe. Exactement. Et comme vous pouvez l'entendre, j'ai un petit filet de voix, légèrement granuleux. Ouais, c'est ça. On peut dire ça. Il a mangé du gravier ce midi. C'est ça, et il n'était pas ou dingo. Hein. On a mis un petit peu de quinoa avec, mais c'était, non, c'était pas ça. Ouais. Et du coup, nous sommes au milieu des microbes. Voilà, c'est ça, bienvenue les microbes. Dans une chaufferie qui a un peu... qui a plus ou moins survécu à tout ça. Totalement. Et on est stérile, hein. Bah, c'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, on voulait revenir là-dessus, donc vous inquiétez pas, nous ne sommes pas morts. Hein. Nous avons été juste absents une bonne semaine. J'espère qu'on vous a manqué, quand même. On espère aussi que vous allez nous retrouver avec... parcimonie. Ben non, elle est là-haut. Ah oui, c'est vrai. Non, avec joie. Ouais, aussi, ouais. Ouais, ouais, il est sympa, joie. Il est sympa. Donc rassurez-vous à tous ceux qui s'inquiétaient, et surtout ceux qui ne s'inquiétaient pas. Surtout. Il n'y avait pas grand chose. C'était juste un peu, on va dire, pour résumer, il y a eu un nouvel épisode de La voiture de Bob. Est-ce que c'est bon? Oui, ça va, ouais. C'est réglé? Ouais, je pense. Il restait qu'un truc qui n'avait pas été changé, donc maintenant. C'est ça. Voilà. C'est la voiture en elle-même. Voilà, c'est bon. Et puis en plus, on peut dire que c'était un peu une semaine de merde, un peu pour toi, parce que tu avais eu quelques soucis à droite à gauche et que tu n'avais donc pas encore écouté les groupes. À peu près 2 heures avant. Exact. Donc on peut dire que c'était un peu mort. Totalement. Voilà, et puis moi j'ai eu un petit souci qui a fait que je venais à peine de remarcher. C'est donc, ça. Donc voilà. L'un dans l'autre, enfin pas nous, mais... D'ailleurs, ce séjour à Lourdes. Pardon? C'est fou, hein. Ouais. On a beau... Moi, tu sais, j'y croyais pas. Hein. J'ai vu plein de trucs à la télé, et ça fait quelque chose. Ah bah tu vois. Ça fait quelque chose. Par contre, est-ce que t'es dans ceux qu'on gratte. En fait, il faut que t'envoies. De l'argent? Oui, surtout. Ouais, j'ai pas envoyé, moi. Non. Ah, tu seras pas dans les petits papiers, toi. Hein. Oh, c'est pas grave, ça. Ah, fais gaffe, hein. Moi, tant que je suis soigné. Hein. Ouais. D'ailleurs, du coup, alors, on n'a pas fait d'épisode la semaine dernière, mais du coup, on va quand même revenir. Alors, et toi, cette grande semaine, comment s'était-elle se passée? Plus ou moins bien. C'est vrai. C'est vrai. Parce que moi, je suis pas vraiment acteur. Voilà. C'est vrai aussi. C'est vrai qu'est-ce qu'on peut dire que tu as joué de malchance ces derniers jours? Oh, on pourrait dire ça, éventuellement. Est-ce qu'on peut dire que, comme je l'avais marqué dans notre poste, la vie, parfois, ne veut pas? Vous avez marqué un truc un peu comme ça. Ouais, c'est beau. Bah, c'est-à-dire, en fait, que tu as eu des soucis. C'est ça. Et après, la maladie. Oui. Et la maladie est toujours là. Voilà. Elle stagne. Mais que tu es en vacances. Tapis dans l'ombre. Oui, je suis en vacances. La maladie. Oui, alors pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment un podcast sur le Hellfest. Hein. C'est juste que. Y a des gens on prend des nouvelles de nous. Ouais, parce qu'on ne se parle pas trop entre deux. Voilà, c'est ça. On évite, on s'envoie que des messages d'insultes. Sale con. Ouais, sale con. Sale con. Voilà, bon, du coup. Plus ou moins. D'accord. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut noter une certaine avancée dans GTA? Une certaine. Aïe. Ouais, une certaine. Moi d'ailleurs, je me posais une question. Un Bob en vacances, ça se lave à quelle heure? Ça se lave à quelle heure? Ça se lave pas. Déjà. Ça se lève à quelle heure? Ça se lave pas pendant 15 jours. C'est pas mal. Tu te prépares pour le Hellfest? Exactement. C'est beau. Ouais, je dors dans une tente. Même s'il fait moins 4 dehors, je m'en fous. Je bois de la bière toute la soirée. C'est ce qu'il faut. Voilà. Tu te nourris que de bière? Voilà, je me nourris de comment on appelle ça, de rosti. Oui, de rosti burger. Coincé entre deux morceaux de pain et du fromage. C'est beau. Voilà. Donc je me prépare. Et ça, et tu et te... ça se lève à quelle heure? Voilà, c'était ça. je dirais, moi pour moi, j'en ai parlé l'autre jour et je trouve qu'il y a deux écoles. Pour ma part, c'est 9h. Oh, ça va, 9h. Ouais, je trouve que c'est, bah, tu sais, avec les enfants, avec... Donc, pour moi, c'est une super grasse mat et c'est que du panard. Ah non, c'est pas ouais. mal, 9h. Non, c'est top, 9h, c'est... Puis là, je mange, en plus. Hmm? Je fais un vrai petit-déj. Oh, cuisse de poulet... Ouais, totalement, c'est ça, gélatine, avec des petits lardons, des pancakes... Et comme quoi, tu sais te faire plaisir. Bah, totalement. Bon, et ben écoute, on va enchaîner parce qu'après cette intro. Et toi, non, ah, si, fou, mais tu me demandes pas. T'enchaînes. Bah, c'est exactement ce que t'es en train de dire. Je suis présentateur. Moi, je. Ouais, c'est ça. Tac, tac, tac. Avis de recherche. Écoute, donc, ça va mieux. Ah bah, voilà. Si, refais les choses. Alors, bon, j'ai fini mon projet écriture du mois de février. Ah. D'ailleurs, Nico m'a largement félicité dans sa dernière vidéo. C'est bien. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a touché. Il t'a promis quelque chose? Non, il m'a félicité. Ah, d'accord. Bah, je lui ai promis. Je lui ai surtout lui. Je lui ai dit qu'il avait payé de la bière, oui, grave. Oui, voilà, c'est ça. Il n'a rien promis, lui. D'ailleurs, il n'a toujours pas reparlé. Il n'a pas du tout tiqué sur le fait qu'on a proposé d'aller dormir chez lui ou d'aller faire la fête chez lui. Ah. Tu sais, on parle tous les jours, mais il ne m'a jamais parlé de ça. Donc on va en reparler. On en parlera. Ah. Donc, n'hésite pas. Voilà. Donc, Nico, si jamais tu ne sais pas, nous, tu sais, Rouen, chez nous, ça fait un petit bout. Ah, alors... C'est ça, ouais. On a quand même. On n'aime pas rouler de nuit. 3 heures de route, hein, c'est ça. Ah, allez. Hein. Bah, et retour, 6 heures quand même. Donc, tu sais, nous, on aime bien faire des pauses. Ouais. Et uriner dans les éviers des gens. Non, non, non, dans les miens. Ah, non, non, non, je suis respectueux quand même à ce niveau-là. Je n'urine que dans mes éviers. Très bien. Moi, j'ai pas de... Eh ben, voilà. Du coup, oui, j'ai fini mon projet écriture. Enfin, mon défi écriture. Je suis arrivé au bout de ces 50 000 mots, non pas en 30 jours. En 29. Non pas en 29. En 27. Oui. En 27 jours, 52 000 mots. Ah, mais attends, je vais dire je... 28. Bah oui, en plus, 27, oui, c'est ça. Oh, voilà. Une journée d'avance. Bravo. Et plus de mots, voilà, voilà. Bravo. Vous pourrez bientôt lire ça, si pour ceux que ça intéresse. Ouais. Parce qu'à peu près pour l'instant, bah, la même chose que ceux qui nous écoutent. Voilà, c'est ça. comme ma maman, exactement. C'est ça. Alors, et sinon, le reste de la semaine, bah, c'est plutôt bien passé. J'ai fini Mario Odyssey, hein, la Switch, bien. Oh putain. C'est bien, non, c'est bien. Non, j'aime bien. J'aime bien. Bah, j'ai eu un arrêt maladie, je me suis reposé. Ouais, c'est ça. Donc, je me suis reposé. Et je te dirai pas d'autres trucs que j'ai fait de tout pourri. Et Zelda? J'ai pas commencé. Ah, t'as pas commencé? Non, justement, j'ai voulu le laisser de côté pour pas trop griller mes cartouches. Non. Du coup, là, j'essaye de trouver toutes les lunes cachées dans Mario. Oh non, non, non, non. Attends, je t'ai vu récupérer de la drogue dans GTA, c'est la même chose. Ah oui, pareil. C'est la même chose. C'est des étoiles, des lunes. Des... Voilà, donc c'est pareil, ça. Je suis désolé. Respecte des lunes, les gamus, quoi. C'est tu, ça. Tu devrais me dire GG à toi. GG à toi. Alors, cette semaine, énormément de news. Plein de choses hyper intéressantes et des trucs qu'on va vous parler maintenant. Jingle. Alors, il va falloir remettre en contexte que c'est des news qu'on avait préparées... Alors, il y a un mois. Nous avions préparé la semaine, pour la semaine dernière. Mais donc, il y aura peut-être un décalage entre les dates. Ouais. Depuis le 19 février, et donc on avait zappé cette news, la mise à disposition des lockers sur le site du Hellfest est donc bah, est faite. C'est voilà. Est mise à disposition. Est-ce voilà. que c'est les mêmes prix que l'année dernière? Je ne sais pas, je n'ai aucun souvenir et je n'ai pas vérifié. Vraiment pas ton taf. Non, je ne sais pas, mais attends, mais... Monsieur finit Mario Odyssey, mais derrière, il n'est pas foutu de vérifier. Attends, ça. Mais énorme. Ils ont changé le truc, non? Mais normalement, j'arrivais sur le site avec tous les trucs. Ah ouais? Bah oui. Comme moi tout à l'heure. Tu l'avais toi tout à l'heure? Bah tout à l'heure, je l'avais moi. Bah moi, j'ai la news du festival, mais j'ai bah, pas. En fait, j'ai celle que tu as postée direct sur le. Sur ouais, le mais bah, c'est ce que j'ai fait aussi, mais moi j'avais la page avec les tags et tout ça. Ah bah attends, parce que. Regarde, tech. T'as les tags toi? Looker Casier. Non, t'as la news. J'ai que la news. Ah, moi j'avais. Ah bah. Ah bon, mais bah... c'est pas grave, il y aura toujours des S, S+, plus, oui. Hein, M, L, XL. Oui. Donc après, pour les dimensions, reportez-vous certainement à l'année dernière. Attends, c'est bon, j'ai... T'as ? Je crois. Attends, ici. C'est bon, à la régie. Alors, donc S, qui est donc le plus petit au prix de 25€, XS, qui est le plus petit en fait, tu l'as aussi, ouais. Bah, ouais. Au prix de 20€. Le 30, le M 30, alors forcément ça va pas du tout vous parler les tailles, c'est ça qui est bien. T'as le S charge. Attends. Ah vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Ah vas-y, bah écoute, je te laisse gérer. Plus d'infos. Dimension intérieure pour le M, 45 cm, largeur 30 cm, profondeur 50 cm. C'est parfait. Voilà. Donc après, le L est plus grand et à 45 €. Le XL est très grand. Le XL, combien fait-il ? Le XL, combien fait-il ? Je vais te dire ça immédiatement sous peu, tout de suite. Il fait hauteur 90, largeur 40, profondeur 50. Ouh, mais comme c'est formidable tout ce que tu dis là. Il y a aussi la possibilité de louer un Charge and Rock, qui est tout en bas au prix de 30 €. Donc, en fait, tu peux recharger ton téléphone en illimité. Voilà, hauteur 40 cm, largeur 60 cm. Bah, par contre, le truc, c'est qu'ils disent pas où il est stocké, en fait, ce truc-là. Je me suis trompé. Je pense que c'est peut-être... Et peut-être à l'intérieur. Non, parce que t'as un casier avec. Ce powerbank Charge and Rock est situé dans la zone Metal Corner. Cas de disponibilité, la location sera 35 €. Vous pouvez faire une économie de 14 € si vous réservez dès maintenant. Oh, c'est pas mal. C'est vraiment 14%, pas, hein, pas 14 €. Ah bah voilà, il dit mal. Et autant sinon, pour moi. T'as un casier S plus charge où dedans t'as un câble pour charger ton téléphone, tablette ou tout ce que tu veux. La charge de votre powerbank au prix de 40 €. Est illimité pendant toute la durée de l'événement. Voilà. Temps de charge estimé 2 à 3 heures. Voilà. Donc, bah écoutez, c'est toujours pratique. Nous n'avons jamais utilisé ni les uns ni les autres. Non, parce que nous, on est de des merdes à la route. On est un peu à la route. On prend des batteries de perceuses. Mais... On est un peu à la route, c'est quand même. Hein. On est un peu. Ouais, mais derrière. Oui, derrière, c'est méga route. Ouais. J'avais ramené mes chargeurs de. Nous, on avait des patates. On avait tout. Ouais, oui, c'est vrai. Nous, on fait des trucs. Des patates. Mais du coup, en fait, c'est surtout le. Pour ma part, ce que je trouve un peu dommage, c'est comme c'est au Metal Corner, en fait, si t'as des choses à déposer, autant aller à t'attendre. Des fois, après, c'est un truc sécurisé, du coup, donc c'est un peu mieux, mais voilà. Voilà. Donc, vous savez quasiment tout. Et pour ceux qui veulent, bah, c'est sur le site du Hellfest, donc n'hésitez pas à aller y jeter. Un œil. Yes! Si, je trouve que ça. Ouais, ça fait une espèce de dynamique. Dommage, ouais, c'est pas mal. Ouais. On se jette la balle, on fait des échanges. Ah, c'est sympa. Oui. Avec la refonte, donc le site internet qui est maintenant donc, disponible et re-à jour, il commence à balancer à peu près une par semaine des interviews de groupe. Mmh, tout à fait. Donc la première étant celle de Grave Pleasure et la deuxième de Watain. J'ai retiré une phrase de celle de Grave Pleasure qui disait que c'est vraiment le bon côté du Hellfest, c'est un gros festival, mais il y a toujours une large place laissée aux multiples sous-genres de la musique, type metal. Je ne pensais pas qu'un groupe comme Jessica 93 puisse y jouer, par exemple. C'est vraiment un festival qui dispose d'une ouverture d'esprit conséquente. Nous sommes tellement d'accord avec ça. Sachant que Jessica 93 est pour moi le moins pire de l'ouverture d'esprit. Et en ce qui concerne Watain... J'ai retiré deux choses de cette interview. Des interviews d'ailleurs au passage très intéressantes qui ne parlent pas que du Hellfest. Ils parlent aussi de leur carrière, enfin un peu de leur musique. Pour Grave Pleasure, ils parlent du changement de line-up, de ce que ça a apporté. Et à chaque fois, ils reviennent pour les deux groupes sur ce qu'ils vont jouer, les nouveaux titres des albums en live et tout ça. Et les deux groupes ont dit oui. Donc pour Watain, le Hellfest est l'un des meilleurs festivals européens, sinon le meilleur à mes yeux. On parle du chanteur, bien sûr. Il m'est arrivé de m'y rendre en parallèle des passages avec Watain, juste pour être sur place ou pour faire la promo. Et apparemment, il précise aussi qu'il y a beaucoup de souvenirs là-bas qui ne voudraient pas qu'ils soient diffusés à droite à gauche, tellement il a dû bien se mettre sa race. J'imagine. Ouais. Et dans l'autre point intéressant, il parle du black metal et sa philosophie à lui, que j'ai trouvé intéressante pour lui, hein, vraiment pour lui. Le black metal doit être un mode de vie, une façon de voir le monde. Il doit être quelque chose qui représente tout pour toi. Tu ne peux... Personnellement, je ne vois pas comment il est possible d'avoir une vie de famille et de jouer dans un groupe de black metal. Je ne vois pas comment tu peux avoir un emploi normal au quotidien et jouer dans un groupe de black metal. C'est cette vision qui devrait permettre la survie du black metal. Il survivra grâce aux gens qui auront l'envie de tout donner pour lui et de continuer à explorer encore plus profondément. Mais peu de groupes ont entrepris une telle démarche, peut-être 5 au cours des 20 dernières années. Et c'était en réponse à la question qui disait qu'avec aujourd'hui le black metal qui s'est beaucoup ouvert et tous les changements apportés par les groupes, genre l'introduction d'instruments beaucoup plus anciens, de diversifier dans le black metal et un côté un peu plus populaire et actuel, comparé à l'ancien black metal, le trou. Et donc pour lui, il y a une philosophie du black metal qui doit être ça. Et la question qui suivait derrière était en rapport à est-ce que... Tu ne penses pas qu'il y avait une espèce d'effet similaire dans le hardcore, où justement il y avait quelque chose de pur dans le hardcore, qui était un peu comme dans le black metal, et il était, donc le chanteur dont j'ai oublié le nom, était d'accord pour reconnaître que dans tous les sous-genres un peu extrêmes, il y a toujours une espèce de philosophie trou, qui est importante de respecter pour être dedans, voilà. Et je suis assez d'accord avec ça. Et je suis, c'est pour ça que j'ai noté ça, je trouvais ça intéressant. C'est vrai que j'imagine vraiment pas quelqu'un qui a un emploi genre de bureau et qui rentre le soir chez lui et fait ouais, que j'ai faire du black metal, c'est un peu, ça fait un peu chier. Bah moi j'imagine bien justement ce côté là l'échappatoire. Ouais, bah t'as fait de la musique. Oui. Ouais, t'as joué dans un groupe. Oui. Ouais. Et ça te faisait pas comme une espèce de thérapie si. De bonheur, quoi, mais de oui, te dire mais... putain, ça fait du bien. Ouais, mais j'aurais pas été faire du black metal. Oui, enfin, à la base. Non, je pense que c'est plus vraiment lié au style particulier. Oui. Comme c'est un truc vraiment extrême, c'est délicat d'avoir un mode de vie normal. Tu vois, genre de rentrer, ça va les enfants, alors l'école ça a été. Bon, bah papa, va te passer des bières. Un truc comme ça, t'as fait un peu. C'est sauvage. C'est un peu ce paradoxe-là que je trouve bizarre. Tu vois, même si à l'époque je faisais de la musique, j'avais pas d'enfants et j'avais pas de boulot, c'était pas dans la même. Pareillement, mais c'est vrai que oui, forcément. C'est plus dans cet esprit-là, je trouve. Mais je trouve ça. En fait, je ne partage. Parce que c'est plus violent, genre musicalement, c'est ça ? Non, je pense que quand t'es dans ce qu'il appelle, lui, les vrais esprits, le vrai esprit, la vraie philosophie black metal, bah t'as des idées bien extrêmes, bien... Ah oui, que te casse la vie de famille, que te casse le boulot. Ouais, mais que tu peux pas avoir. Tu peux pas, genre, éduquer tes enfants, si t'as une manière de voir black metal où tu es vraiment fan de tout ce qui est extrême et tout ça, c'est vachement délicat. Ouais, t'as pas, y a machin qui m'a emmené, bah c'est pas grave, on va appeler Satan, puis on va venir le... oui, voilà, c'est ça. On va le brûler. Viens, mon chéri, on va brûler des églises. Non, toi, c'est plus ça. En fait, je comprends ce qu'il veut dire, c'est que ça, le décalage est pour le coup beaucoup trop important. Tu vois, Vatten, s'il se présente sur scène avec des traces de sang et tout ça, et qu'il rentre après chez lui, je te fais un bisou, tu fais dodo, mon chéri. Tu me diras, Ozzy Osbourne l'a fait avec ses enfants, mais on a vu ce que ça a donné. Ouais. Donc c'est un peu... je veux dire, j'aime la défense de la vraie philosophie. Voilà, je... Ah, mais je suis tout à fait d'accord, mais après, je pense que l'un et l'autre ne sont pas incompatibles. Bah, j'aurais dû... Bah, tu te vois avoir... Alors, je reprends l'exemple de l'homme... C'est vraiment pour moi le côté... Tu te vois travailler dans une banque en tant que black metalleux où il y a des trucs que tu pourrais pas faire. Et pourquoi pas ? Parce que déjà, même aujourd'hui, sans être black metalleux, j'aurais du mal à bosser dans une banque. Mais c'est quoi la philosophie black metalleux ? Ah bah voilà, c'est ça qu'il faut dire. Voilà. C'est quoi l'idée, quoi ? Bah, c'est pas des trucs gentils, hein. Crois-moi bien. Oui, mais dans ces cas-là, tu fais quoi ? Tu vis dans une crypte avec tes copains et puis tu bouges pas de la journée et tu sors que le soir, c'est ça ? Eh, dis donc, va peut-être falloir changer de ton gars. Ah, mais je suis désolé, c'est quoi l'idée ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, parce que ça, je te rappelle que c'est une news. Donc si on part en débat là-dessus. Mais c'est bien, justement. Ah, d'accord. Non, mais alors. On vous prévient, le podcast va durer 3 heures. Là. Non, mais alors, ce que je veux dire, c'est aujourd'hui, toi, par exemple, toi là. Oui, moi, je veux dire. T'es moi, pas black metal ? Moi, Bob, c'est ça. Bob. Tu te vois travailler dans une banque ? Déjà, non. Je ne me vois pas travailler dans une banque. Voilà ! Ah, c'est ça ! Bah non, mais okay, c'est déjà, cool. De base, il y a des choses que tu ne vois pas faire parce que ça irait un peu contre toi. En soi. Ah oui, mais attends, à ce niveau-là, t'as pas fini, quoi. Bah c'est ça ! Mais oui, mais du coup, bah... Ah ouais, mais moi, je trouve que c'est vachement étriqué comme idée, quoi. Bah, parce que le black metal, mais dans ces cas-là, tu vas aussi bien sur le punk, comme du oui, bah, hardcore, bien entendu, mais, oui, mais, oui. Mais tous les métalleux, je veux dire, tout ce qui est non. Dans le monde de la musique. Non, parce qu'il y a énormément de métalleux qui s'assoient dessus, qui ferment leur gueule et qui y vont, j'en connais. Ah la vache. Bah oui, mais qui partent du principe que, bah voilà, je connais un métalleux en particulier qui... Bah, vas-y, qui... balance, c'est qui ? Je balance pas. Qui m'avait dit qu'il voulait se faire tatouer les bras. Mais qu'il l'a pas fait parce qu'à son boulot, il a genre des chemises à manches courtes. Ouais. Oh non. Bah si. Oh là, celui-là. C'est qui ? Tout le monde connaît ça. C'est qui ? Non, je balance pas. Ouais. Non, je balance pas. Ouais. C'est un ami à moi, proche. Proche en plus. Ouais, je comprends mieux pourquoi tu balances pas, du coup. Bah oui. Non, mais parce que du coup, je respecte son choix. Moi, je suis pas du tout... je me poserai pas cette question-là. Je ferai pas le... Ah mais bouchez-vous les oreilles, c'est qui ? Mais tu le connais pas. Ouais, mais on s'en fout. Ah bah non, je... Non, ce que je veux dire, c'est que moi, aussi con que ça peut être, il y a des choix que je ne ferai pas. J'accepterai pas un boulot au détriment de quelque chose que je représente. Toi déjà, techniquement, j'ai juste un piercing de merde là, qui se voit quasiment pas en plus. Tout être humain qui se respecte normalement n'accepterait pas, je veux dire. Non, il y en a énormément qui le font en disant c'est pas grave. Genre, oui, mais ils se respectent pas. Non, on leur dit, bah non, mais vous comprenez, c'est l'image de... Oui, je comprends, c'est l'image de... Voilà, mais... Oui, mais si c'est pas la sienne, à la base. Mais donc, on... oui, mais... Ça veut dire que la personne ne se respecte pas. C'est tout. D'accord. Voilà, Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Voilà, c'est pour dire, toi, c'est... T'aurais du mal à trouver un boulot de qui... Pas qui te correspond pas, mais qui soit en... Moi, jamais. Voilà. Tu vois, et ben là c'est un peu pareil, mais encore pire. Genre, techniquement, t'es pas black metalleux que quand tu joues dans ton groupe et une fois que tu sors de scène, tu redeviens normal. Mais il y en a comme les punks. Ah, exactement, ben tiens, oui, Jali, il vient. Et ben oui, mais comme les punks, tu fais pas genre, t'es pas punk le week-end avec ta crête et tes docks. Il y en a plein qui faisaient ça à l'époque. Et ben ça, c'est des punks. Dans les années 80. Enfin, pas des homosexuels, hein. des autres. C'est pas... Les petits déjeuners. Non, mais c'est. C'est moi. Ah, d'accord. C'est ma chose. Non, je veux dire, c'est pas. Quand j'ai dit. Je veux dire, c'est pas des vrais punks, quoi. Les mecs, ils assument qu'à moitié. Là, c'est ça. Moi, je me suis jamais revendiqué d'un côté extrême parce que justement, je me sentais pas avoir cette philosophie d'être toujours extrême et tout ça, quoi. Tout à fait. De la même manière que notre connaissance commune, Anthony, m'a toujours dit homme, t'es vraiment un rebelle à deux balles. J'ai dit, mais j'ai jamais dit que j'étais rebelle. C'est toi qui es en train de dire que je suis rebelle parce que je fais tel truc, mais moi je me considère pas comme rebelle. Exact. Alors que, tu vois... Je n'étais pas rousse. C'est ça. C'est vrai en plus. Mais on en revient un peu à une théorie que j'avais, que c'est souvent l'image des autres qui va définir ce qu'on dit. Ce que l'on est. Ouais, alors que c'est pas le cas. Totalement. Comme par exemple, il y a énormément de gens qui me trouvent égocentrique ou prétentieux, alors que quand moi je fais juste... C'est faux, hein. C'est juste un connard. Ah, voilà, merci. Alors que quand j'évoque juste des trucs, on va dire, mais t'es prétentieux. Ah non, mais j'évoque un fait, par exemple. Ouais. Ah oui, un fait qui met peut-être en avant, mais si j'évoque un fait qui met en avant, ça fait pas forcément quelqu'un de prétentieux. Vu que moi, je dis ce qui est. Par contre, toi, tu l'entends comme quelque chose de prétentieux. Moi, je le fais pas forcément comme tel. Mais c'est parce qu'il est sous-culturé. Non, mais parce que ça peut être... Parce que les gens sont très comme ça. Parce que c'est un connard aussi. Et il n'est pas là pour se défendre. Je sais pas c'est d'ailleurs, qui... Et après... Non, mais je parlais encore d'Anthony. Ah oui. Anthony, si tu ne m'écoutes pas, parce que tu ne m'écouteras pas. Non, c'est sûr. Et Anthony, lui, rien à voir, est complètement entre nous deux en plus. Anthony, lui, m'a dit que je ne devrais pas être désagréable avec Gaspard, par exemple. Ah ouais. Ouais. Alors que moi, je te dis totalement rien, parce que je ne sais pas. Alors. Je n'ai pas mimisé là-dedans. Passons à la news suivante. Et ça, c'était juste pour les locs. Hein. Non, c'était pour les locs. Ah oui, pour Vatine. Alors, cette année, grosse nouveauté à venir, les bracelets seront aussi des cashless. Ça, c'est bien. Ouais. Alors, c'est bien, parce que... C'est formidable. Pour payer ses consommations, le festivalier du Hellfest a d'abord connu les jetons, puis la carte magnétique à recharger. Pour le 2018, ça sera avec son bracelet. Direct, en live. Donc en fait, ça fera exactement comme l'avait fait le download dès la première édition. En fait, ouais. La cashless était sur... Met Square aussi. Oui, exactement. Très sympa le Met Square. Ouais. Salut le Met Square. Salut le Met Square. J'attends de voir, d'en attendre plus, parce que là, c'est une news qu'on a récupérée via actu.fr. Tout à fait. Nos partenaires médias. Bien sûr. Salut actu.fr. Et donc, c'est Johan Le Neve, co-dirigeant et co-fondateur du Hellfest, qui explique « Il y a d'abord eu quelques soucis l'an dernier avec le précédent opérateur. Et aussi, nous savions que le système cashless avec l'utilisation du bracelet apportait plus de confort, de praticité et de fiabilité à la fois pour le festivalier et pour les bénévoles qui rechargent les comptes. Nous avons donc fait confiance à la société WizEven qui nous propose ce système pour le paiement sur le site. » C'est vrai que toi comme moi n'avons jamais réussi à recharger nos cashless en Wi-Fi et avons dû à chaque fois nous rendre à l'un des postes. Des bornes de rechargeage. Et il ajoute aussi, nous aurons certainement moins de problèmes de perte de cartes comme cela pouvait l'être lors des éditions précédentes, le bracelet étant solidement attaché au bras du métalleux contre vents et marées. Voilà. Surtout que Clisson, c'est assez loin de la mer quand même. Et ça, c'est le petit point géo qu'il faut toujours remettre. Hein, parce exactement. On n'en parle jamais assez de cette géo. Tout à fait. Localisation. Autre news. Hey, les warm-up se remplissent à vue d'œil. Oh, et c'est pour le formidable. Coup, on a eu la chance de pouvoir avoir droit au visuel des deux t-shirts ainsi que des deux gobelets qui accompagneront chacun de ces warm-up et que nous pourrons avoir que là-bas. Voilà. On tenait à préciser que Road to Hellfest sera pour l'instant à aucun d'entre eux. Tout à fait. Parce qu'on a été invité par personne. Donc d'ailleurs, le Hellfest, hein, faut pas hésiter maintenant que Rennes, Paris, Nantes et Orléans sont sold out. Faut pas hésiter à nous appeler pour Rennes. Nantes. Ouais. Après le reste, ça fait un peu loin. Rouen. Rouen, pourquoi pas, si on dort chez Nico. Ben voilà, c'est ça. Ah, c'est ça, si on dort chez Nico, pourquoi pas. Rouen, Nancy, le 3 mars, il restait encore, ils avaient vendu 666 places. Il reste encore Vitry, Besançon, Lyon, Genève. Alors là, c'est pas la peine de nous appeler. Nîmes, Biarritz, non plus. Angoulême. Non plus. Ça dépend, c'est pendant le festival de la BD ou pas, j'ai jamais été, moi. Donc, moi, c'est passé le festival de la BD. Eh ben, ce n'est plus la peine. Merci bien. C'était il y a un mois. Alors, les deux t-shirts, les visuels sont... Oui, voilà, moi j'ai pas trop... Bah, je non plus. Pas plus. Alors que les gobelets sont plutôt assez sympas. Les gobelets sont chiadés, voilà. Quand même. Hein. Donc, on va pas être salaud avec vous, le Hellfest. C'est une requête qu'on vous fait. On veut bien les gobelets. Voilà. Bah, hein, en plus, j'en ai plein. Là. J'ai piché les gobelets. Voilà. J'ai fait collection depuis donc, des années. Au pire, on fait un deal. On récupère des pichés sur le Fest. On vous les redonne. Et on échange de gobelets. Non, c'est nul. Non, ça. C'est nul. Non, non. Je suis plus pour qu'ils nous les envoient directement à notre adresse. Hein, donc, dans ces cas-là, on verra ça... Non, après, on veut bien venir à un des warm-up pour chroniquer. Nous, on fait des reports, on fait des trucs, ouais. Donc le Hellfest, n'hésitez pas. Et puis, je sais que bon, bah, vous êtes fan de nous. C'est vrai, car... Oh, quelle belle transition. Ah, moi, j'applaudis, moi. Merci. Elle est magnifique. Car, prochaine news, le Crazy Train. Sûrement en rapport avec une chanson d'Aerosmith. Tout à fait. Là, je dirais même Dim ou Borgia. Attends, je vomis. Le 27 mars, à 10h du matin, il restait 90 places dans le train, mais pas n'importe lequel. Le Crazy Train, sous-titré Road to Hellfest. Bon, bah, vous avez de la chance, parce que comme on a un podcast qui parle de vous, on va pas... venir. Mais merci pour la dédicace. Voilà, merci pour la dédicace. On c'était a apprécié. Cool. Ça nous a beaucoup touché. Donc, on veut bien venir au warm-up pour en discuter avec voilà. Vous. Et vous remercier. Tout à fait. Donc Alexis, ouais, c'est Alex. Alex. Je crois. Alex. Ouais. Ouais. Bon. Eh. On veut bien. Voilà. On est d'accord. On peut dégager un petit créneau pour. On n'est pas chien. Voilà. On fera un beau report sur place. En plus, Ultra Vomi, c'est quasi des amis. Bah oui. Donc il y a pas de souci. Voilà. Mélusine. Qui est-elle cette Mélusine? Alors, je ne connais pas l'histoire de Mélusine, hein, vraiment. Mais par contre, je connais un peu l'histoire, de... pas l'histoire de la brasserie, mais je sais qu'ils font de la putain de bonne bière. Exactement. Mélusine a été récompensée au salon de l'agriculture. Tiens, tu notes ce ton que je prends, je crois. Alors... Ouais, mais c'est bien. Ça donne du wouh, yeah, yeah. Parce qu'en fait, ce que vous savez pas, c'est qu'on a eu tellement de mal à démarrer cet épisode. Genre à 18h, on était encore en train de dire bon, on le fait encore ou pas. Bon, ouais. Bah, tu le fais quand 9h? Oh non, c'est tard. 19h, 19h. Voilà. Ouais. Vraiment, une vas-y heure, pour 19h. Moins d'une heure avant, c'était pas encore acté. Hein, donc ouais. Vraiment. Après, alors que là. Rien, Jim Beam. On est chaud. Là, c'est bon, là. De toute on n'a pas le choix. Pourquoi? Bah, parce qu'on y est. C'est ça, ouais. Puis ouais. En plus, la semaine prochaine, on aura sûrement pas. Ouh, spoiler. Laurent Boiteau. Patron de la brasserie Mélusine raconte la bière Hellfest India Pearl Ale houblonnée accrue à 6°C a reçu une médaille d'or au concours général agricole. La bière Love and Flower, bière blanche biologique aux pétales de rose à 4,2, une médaille d'argent dans la catégorie épices, plantes et fleurs. La dégustation s'est faite à l'aveugle devant un jury. Toutes catégories confondues, il y avait 500 échantillons différents. Putain, bravo. Franchement. C'est mérité. Alors moi j'ai toujours dit que c'était pas ma bière préférée, mais elle est quand même plutôt agréable. Elle est surprenante, c'est vrai. C'est mais ça, par contre, maintenant j'ai très envie de goûter la Love and Flower. Voilà. C'est ton côté hippie ça. C'est ça, mais je suis un dingue. Ouais. Alors, suite des news, un petit festival recommandé par... Le Hellfest. Tout à fait, à savoir l'Amarok Metal Fest à Aigrefeuille-sur-Marc. Sur Marne, pardon. Pff, le 9 et 10 mars 2018, à savoir bah, demain et après-demain. Voilà. Oui, la news remontée la semaine dernière. Avec, ouais, ouh là là, attention, j'ai besoin d'aide. Arcania, Atlantis Chronicle, Death Awaits, War Inside, Jelly Beam, Shade and Dust, Nothing But Echoes, Dagara. Time for Energy, Pictured et Malkavian. Et le premier, là, C'est quoi ça? War Inside? Non, le non, tout premier. Ah, le premier. Presse. Franchement, les gars, quand vous faites des logos, hein, vous pourriez faire un petit effort parce que là, franchement. T'as déjà vu ces photos des mecs qui entreposent des morceaux de bois qu'ils venaient de couper? Ça fait un logo. Ah non, j'ai jamais vu. T'as déjà vu ça? Ah non. Tiens, j'ai trouvé le nom de mon futur groupe de black metal. Les mecs, ils en reproposent. Ah, donc ils ont pas un boulot normal, donc. Non. Mais en plus, tu vois, c'est ça le truc. Ils coupent du bois. Ils coupent du bois et ils écoutent du black metal. Donc, tu vois, ah, tu vois tout est lié. Ah, autre news. J'en peux plus, moi, de ces news. Il y a eu une vente aux enchères. Attends, j'en ai loupé une, non? Ah! Mais dis-moi, Bob. Non, mais dis-toi, oui. Alors. As-tu vu l'affiche du Hell Truck? Mais oui. Parce que je te l'ai envoyé. Et toi donc? Oui. Et qu'est-ce alors, que donc que le Hell qu'est-ce Truck? Qu'est-ce que le Hell Truck? Je t'en prie, parle. Mais peu, ne serait-ce. Voilà, bah bois. Ne serait-ce pas, dis donc, un camion qui se pose sur le parking du centre Leclerc? C'est ça. C'est ça? De Clisson, hein, bien sûr. Un ou deux camions? C'était un seul. Bah, moi, j'en ai vu qu'un, moi, l'année dernière. Peut-être qu'ils sont plusieurs. Non, mais il y a peut-être une espèce de, ouais, de secte du camionneur qui vient se poser sur le. C'est cramé, c'est ça. C'est ça, tu ouais. vois donc, oui, et donc je t'ai coupé, excuse-moi. Non, mais écoute. Donc parking de Leclerc de Clisson, quel jour le jeudi 21. Juin ne serait, oui, juin. Eh ben oui, parce que je veux dire, c'est au mois de juin. C'est vrai. Je veux dire, toutes les personnes qui sachent, ils sachent. C'est vrai que ces gens-là ont tendance à s'achoir. De 12h à 19h. Tout à fait. Et il y a combien de groupes? Dis-moi tout. Je dirais qu'il y en a 6. Ah ouais, bah moi je dirais plutôt qu'il y en a 6. Exactement. Tout à fait. Avec Shafter, Hildal, Steel Rangers, Cobay Corpse, Electric Third High, Shoot First. Voilà, j'en connais aucun. Moi non plus. Mais je pense qu'ils sont tous bien et qu'ils ont tous largement mérité leur place. Exactement. Et pour avoir observé un ou deux groupes l'année de, en 2017, c'était plutôt et sympa. Et ben c'était pas mal. Voilà, on avait une... on se baladait, on disait « Ah, attends, ouais. Leclerc !» Et ça. On a entendu un son qui est venu se projeter à nos oreilles. Mmh. Et nous nous sommes... Approchés. Hein. Et les gens nous regardaient un peu bizarrement, promptement. Je me souviens. Ils ont dû nous reconnaître. C'est ça, ouais, certainement. Bon, on a l'habitude maintenant. Ouais. Il y a eu aussi, et qui est toujours en cours, une petite vente aux enchères des maillots de hockey. Le oh. savais-tu? J'ai vu ça, oui. C'est la vente aux enchères des maillots donc de Let's Kick Some Ice avec les corsaires de je ne sais pas où. De Nantes. Sûrement, oui. Corsaires de Nantes, tout à fait. Et donc, il y a 6 maillots à vendre. Les enchères se terminent dans presque un peu moins de 2 jours. Une journée et 21h. Un samedi à 18h, voilà, pour être plus précis. Donc, c'est lequel ton préféré, toi? C'est celui-là. Ah ouais? Moi, je prendrais le 88. Ah ouais? Alors, l'enchère est à 94€ plus 10€ de frais de livraison. Donc, ça tourne autour de 94, 84, 81, 67, 65. Et il y a quand même à chaque fois 10€ de livraison, ce qui n'est pas donné. Donc, bah écoutez, pareil, hein, les corsaires de Nantes, on veut bien prendre un autre maillot s'il en reste un. Voilà, c'est ça. On fera une chronique. Tout à fait. Parce qu'il me plaise bien, moi. Tu sais que ça doit être large quand même à porter, hein. Bah forcément, tu le mettrais comment pour faire du dodo? Certainement pour aller, je sais pas, peut-être pour... acheter du pain? Ah, pour le marché. Tu vas au marché? Pour aller au marché, tiens. Quand est-ce que tu vas au marché? Eh ben je vais pas au marché, mais avec un t-shirt comme ça, j'irai au marché. Pas un t-shirt, hein. Enfin, je dirais un maillot. Ah ouais. Avec un maillot comme ça, j'irai au marché, je pense. Mais si ça fait large et qu'on a l'impression que t'es une espèce de rappeur de merde? Non, pas du tout, non, je pense qu'à mon avis, les gens s'écartent. Ah oui, je si j'y vais avec mes patins à glace et ma crosse de hockey, attends, je pense que les gens vont se mettre. S'écarter, oui, c'est sûr. Je pensais que tu allais dire non, ben je le remplis, mais j'allais dire non. Si, je peux le remplir. Ah ouais, mais avec là, je fais ce que je veux, toi. Pas que de toi. J'ai des coussins de canapé qui sont très larges. Et ils sont autour même plein à côté de la chaufferie. Tout à fait. Très très bien. Alors. La gastro. Je vais reprendre un petit peu de désinfectant parce que ça me rassure. Autre news, le prix Hellfest Inferno. Sur le site de Bregalon, on peut retrouver pour l'instant des pages dédiées aux 5 premiers romans, il y en a 6 en tout, en liste pour le prix Hellfest Inferno, avec un résumé de l'œuvre, un ratio 50% genre temps mystère, 50% temps thriller et 100% temps. Et une présentation de l'auteur, un mot de l'éditeur et même un extrait. Et après, tu peux voter pour celui que tu veux. Ils ont vraiment fait un truc très, très dense. Il y a énormément à lire pour ceux que ça intéresse. D'accord. Et étonnamment, c'est de la science-fiction ou fantastique et c'est pas trop ce que j'aime, moi. Alors que je lis que du Stephen King. Mais bon, voilà. Non, bah, bravo. Hey, c'est le plus grand, d'accord ? Je sais. C'est le meilleur d'entre nous. Il aurait sa place. D'ailleurs, c'est la chaise Stephen King. Voilà, c'est voilà. Ça. Voilà. Elle vient pas de bouger, d'ailleurs. Stephen, il est pas mort. C'est pour ça qu'il est peut-être assez puissant. C'est là que c'est encore plus bizarre. Il est assez fort. Pas assez clair. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de dire Monsieur Mercedes. Ah ouais ? L'histoire d'un mec qui a, avec une Mercedes, elle a foncé dans une fourrure pour l'écraser et tout ça. Et pff, c'est trop bien. Ouais. Ah ouais. À la page 200, il fait un petit passage que j'ai adoré où il dit « Et il ne sachait pas qu'il avait pu rentrer chez lui. » Page 200, j'ai été voir, il y a 400 pages, mais il va se passer quoi ? J'étais comme un dingue. Vraiment, j'adore. Il est trop fort, ce Stéphane. C'est mon... Ouais, j'imagine. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille de voir Les Évadés. Hein. C'est la meilleure adaptation d'un livre de Stephen King et c'est une putain d'histoire, c'est un putain de film, tout est putain de trop bien, je le regarde. Il est passé il y a pas longtemps à la télé, j'ai regardé la rediffusion qui a suivi après. Ah ouais. Moi, j'adore, c'est vraiment trop. Je pourrais le voir avec De Frank Darabont, le même mec qui a fait La Ligne Verte et The Fog, donc c'est un mec qui adapte beaucoup de Stephen King, avec Morgan Freeman et l'autre acteur, j'ai oublié, alors que c'est lui le personnage principal, je ne suis qu'une merde, excusez-moi. C'est trop bien, avec Tim Robbins, voilà. Voilà. Tim Robbins. Voilà. Donc je vous le conseille, c'est trop trop bien. Tu l'as jamais vu ? Je l'ai vu combien de fois. Il est trop bien. J'adore ce film. Bah, justement, quand je l'ai vu hier passer, je me les évader. Ah, mais et il est repassé la semaine d'après, génial. En deuxième partie de soirée. Ouais, bah c'est possible. Bah, je l'ai revu. Quand j'ai vu Les Évadés, je me suis dit, putain, c'est obligé. Ah, non, mais c'est le meilleur film. Il est magnifique. Ouais, il est trop bien. Autre news du festival. The Voice of Hell, powered by Riff. Ok. Pour la troisième année consécutive, l'association Hellfest Productions vous propose le tremplin musical The Voice of Hell, powered by Riff. C'est très long comme titre. Cette année, le groupe vainqueur de cette compétition internationale aura l'opportunité de se produire sur la Main Stage 2 du Hellfest le samedi 23 juin. Ce qui est nouveau. C'est le premier point. Et apparemment... mais j'ai pas... D'accord. Et ben en tout cas, c'est ouvert. Vous pouvez aller vous inscrire, ça l'était pas encore, maintenant ça l'est. On va passer maintenant au news metal et le truc de dingue. Non. Si. Non. Le Motoculteur a lui aussi ouvert son tremplin réservé aux groupes amateurs de Bretagne et Loire-Atlantique. Vous avez jusqu'au 12 mars pour vous inscrire. 5 groupes seront sélectionnés pour participer à la finale le samedi 7 avril et le gagnant participera au Motoculteur de cette année. C'est plutôt bien. C'est bien. Je trouve ça d'ailleurs vachement bien d'avoir limité à la Bretagne et Loire-Atlantique parce que c'est cohérent en fait dans le truc, alors que j'ai pas été vérifié par contre, alors qu'il paraît que justement que le Hellfest lui a ouvert à l'international. Voilà, j'ai pas été vérifié, mais c'est ce une oreille amicale m'avait tendu. Mais en même temps, je me rappelle d'un groupe qui était. Enfin, je ne sais pas comment c'était. Justement, ils sont passés en 2011, Violentor. Ah bon ? Ouais, qui était passé. Alors, je sais pas si c'est un rapport ou quoi que ce soit, qui était passé au Metal Corner. Parce que, non, c'est pas ça. L'année d'avant. Non, je peux la prendre ou tu voulais. Ah, tu. Ben voilà, si tu veux. Bah, non, c'est pour. Non, mais après, moi, je suis un peu. Je pique là où ça vient. Ah. Il y arrive, en fait. Bon. Bah, j'espère que je l'ai pas crevé. Bah oui. Ben. Je l'ai ouvert avec le gel désinfectant. Rien ne m'arrête. Ouais, juste avec le gel. Hein. J'ai mis du gel dans la main. Voilà. Bon, excuse-moi. Donc il y a Violentor ouais, qui avait fait. Mais après, je sais pas si c'est un rapport ou quoi que ce soit. Mais voilà, qui était passé l'année d'avant au Metal Corner. Mm-hmm. Et l'année suivante était passé, si je me trompe pas, vers midi et quelques, dans ces eaux-là, quoi, sur une main stage. Donc je ne sais pas si ça. Je ne pense pas. Non. Mais après, c'est peut-être que voilà, le groupe a... Non, parce que normalement, le tremplin, c'était pour jouer au Hellfest Cult. Ah oui, en plus. Oui. Oui, donc non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais c'est juste la petite... Bah, au moins, ça t'a permis d'en parler. Oui, voilà, c'est ça. Et parce que... Bah, il y a longtemps, d'ailleurs, hein, un petit groupe... assez violent. Ma foi, sympathique. Non, t'as tort. Ah, bah... On a fait la boucle. La blague de merde est passée. C'est ça. Le Motoculteur en a profité le 2 mars pour faire une annonce, à savoir l'ajout à son affiche de Comeback Kid, Popa Chubby. Ah bah tu peux peut-être en lire, vas-y. Non, mais vas-y. Trisomie 21, Nostromo, Punish Yourself, Bon. Monolith, Lumberjack et Morg. Voilà. Du coup, toi qui étais assez impatient d'avoir les noms qui restaient pour cette affiche. Il en reste. Mais pour l'instant, le Motocultor, quel est ton avis? Le Motocultor. Quel est mon avis? Bah alors là, je suis assez surpris par la venue de Popa Choubi. Pas moi. Là, c'est surpris, pas dans le sens. Oh mon dieu, non, mais oh là là, dis donc. Ouh. Il y a bien eu Guy Drey l'année dernière. Ouais, non, mais voilà. Mais juste par le côté Popa Choubi. C'est ouais. Mais sinon, non, bah après, ça va, je trouve que c'est assez cohérent. Est-ce que c'était dans mes attentes? Pas forcément, parce que j'ai pas spécialement d'attente. Il bah, y avait déjà le Cadavar qui avait été annoncé. Ouais. Donc Tagada, Ultra Vomit qui te faisait déjà ton affaire. Ouais, ouais, non, mais il y avait Céleste aussi, ton groupe que t'aimes bien. Ah, c'est mon groupe de la vie, ça. Et non, c'est pas Perturbator. Si, il y a Perturbator. Si, il y a Perturbator. Cette année, il y a Perturbator. Ouais. Ouais, t'es sûr? Ouais, ouais. Je pense. Ouais. Donc voilà. Après, je ne sais pas, non, mais dans l'idée, il n'y a pas que ça. Hein. Non, non, non. Il y, y a de très bons groupes. Hein, Ah, si, il y avait un groupe que Parsimony voulait voir. Alstorm? Non, c'était pas Alstorm. Non, non. Ginger. Ginger, non, Isaac. C'est ça. Tout à fait. Oh. Mais c'est, voilà, c'est plus pour découvrir. L'étincelle. Le truc. Très, très bien. C'est très, très bien. Quelques autres news en vrac. Beaucoup de sorties de singles et de trucs, donc on va pas tout dire. Cataclysm a annoncé les détails de son nouvel album Méditation. Dimmu Borgir a sorti la chanson Interdimensionnelle Summit. J'ai été écouté. C'est du Dimmu Borgir. Voilà. Ceux qui aiment vont être contents. Ceux qui, comme moi, eh ben, seront comme moi. Parkway Drive a sorti Wishing Wells, qui pour le coup m'a beaucoup moins hypé qu'en général les sorties de singles de Parkway Drive qui sont lâchées pour la chanson est passée, m'a pas laissé grand souvenir mémorable. Carpenter Brut, mon groupe préféré de la vie, a sorti son nouvel album Leather Teeth le 23 février, un album de 8 titres que je n'ai pas encore eu la chance d'écouter et que j'irai, mais que j'ai pas du tout envie, mais je suis un média donc je vais le faire. Et Bob aussi ira le faire parce qu'il n'y a pas de raison. Non, moi je suis pas un média, moi. Salopard. je te jure, à la prochaine accrète que je chope pour Road to Hellfest, mon gars, t'es un média, tu vas écouter Carpenter, oui. Fred, si tu chopes une accrète pour Road to Hellfest, pour un... j'irai écouter Carpenter. Fred, je dirais même que j'aime. Non, mais je suis pas obligé de mentir. Fred Durst va diriger John Travolta dans son film qu'il a coécrit Mose. Mais qui est John Travolta? Non, c'est pas ça la question. Qui est Fred Durst? Un autre scientologue. Non, Fred Durst, il n'est pas scientologue. Ah. Fred Durst, le chanteur de Limp Bizkit. Ah. On sait que ça fait des années qu'il est fan de cinéma et qu'il aurait aimé réaliser, donc ça va être chose faite. Moi, personnellement, je suis curieux parce que je suis toujours assez intéressé quand des chanteurs ou des musiciens se lancent dans la réalisation. Il n'y a qu'à se rappeler du fameux Rob Zombie qui, quand même, a plus que réussi son transfert, comment, si on peut dire ça. Ouais, bah après, en même temps, je pense que les deux univers se collent sur ce qu'ils faisaient déjà à la base. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est un gros fan de films de SF et d'horreur. Non mais oui, mais justement, c'est pour ça que j'ai trouvé ça autant... Les biscuits, ça paraît moins, quoi. Ouais, mais je pense que ça peut être intéressant d'avoir sa vision, justement. Tout à fait. Surtout que c'est un gros fan de... T'as vu qu'il y a peut-être des chances qu'il y ait des Valkyrie Jack 2? Oui, non, c'est annoncé même, je crois. Ouais. Annoncé. Mais pour le coup, ça n'a pas d'intérêt. Bah, c'est ça. Sachant que c'est que Devil Reject est déjà techniquement la Maison des Mille Morts 2. Oui, tout à fait. Donc ça ferait la Maison des Mille Morts 3. Sachant que la Maison des Mille Morts, en plus, moi, m'a pas plus que ça. Parce que... Bah, ouais, mais je l'ai vu dans le désordre. J'aime bien Rob Zombie, j'aime bien son univers. Donc, du coup, si, ça m'a plu. En fait, ce qui ça reste un film d'horreur. Tout ce qu'il y a de plus classique, mais avec l'univers zombie. En fait, alors attends, je me permets de parler cinéma un petit peu. En fait, je te trouve prétentieux. C'est vrai, j'ai toujours entendu. En fait, non, je suis en train d'énoncer un fait. Donc En fait, ce que j'ai adoré dans Devil Reject, parce que Devil Reject, c'est quoi? Dans The Devil Reject, c'est le côté horreur réaliste. Il n'y a pas de surréaliste, il n'y a pas de fantastique, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de monstre, c'est juste des humains dégueulasses qui sont capables de faire les pires atrocités. Pour qui tu te prends d'affection en plus? En plus, donc parce que le récit est orienté du côté des méchants et que vraiment, même la scène de fin, elle est magnifique parce que tu t'y attends pas comme ça. Quoi. Enfin, le film et ce que je n'ai pas aimé justement dans La Maison des Mille Morts, c'est que c'est tout l'inverse. C'est un film d'horreur avec une part à la fin qui part dans le fantastique. qui est selon moi d'ailleurs ce que maîtrise le moins bien Rob Zombie, qu'on peut retrouver aussi dans Les Sorcières de Salem, c'est ça le titre ? Ouais. Où le film est très bien jusqu'au moment où il vrille complètement dans le fantastique et là où moi il me perd. Parce qu'il est plus basé sur un fantastique esthétique qu'un fantastique qui ait du sens. Et en fait, moi, c'est ma limite où je décroche et je me dis, ah, ça va trop loin. Et dans La Maison des Mille Morts, autant j'ai aimé le côté film d'horreur avec l'univers où justement on retrouve le docteur complètement dingue. Le docteur Satan. Voilà, docteur Satan et tout ça, avant qu'il se retrouve dans la maison, on retrouve tout ce qu'il y a dans la maison qui ne va pas. Et à un moment donné, ça va dans le truc trop fantastique où là, il n'y a plus rien du tout de réaliste. Et là, moi, je décroche en fait. Et c'est ce qui m'a déplu parce que comme j'ai d'abord vu The Devil Reject, je ne savais pas que c'était une pseudo-suite, entre parenthèses. J'ai adoré le film et quand j'ai été voir après La Maison des Mille Morts, qui était donc le film d'avant, et j'ai fait ouh, il y a une couille dans le pâté, il y a un truc qui va pas. En fait, c'était, si tu regardes vraiment les deux films l'un avec l'autre, tu dis qu'il y a quelque chose de pas cohérent parce que ça veut donc dire qu'il y a quelque chose de fantastique qui n'apparaît pas dans The Devil Reject. La partie qui existe dans La Maison des Mille Morts n'apparaît pas dans The Devil Reject. Et moi, ça me pose un. Bah, moi, je trouve la suite plutôt cohérente, justement, quoi. Il fuit, mais il n'y a plus du tout cette partie-là. Il fuit vers le monde réel. Oui, mais. Bah, c'est l'idée, ils fuient vers le monde réel. Enfin, oui, mais eux, c'est un peu comme oui, Leatherface ou ce genre de truc, tu vois. À partir de là, tout pourrait arriver et t'es beaucoup moins. Moi, à partir du moment où il y a une part de fantastique comme ça, je me serais beaucoup avec moins Dr. pris. Avec Dr. Satan, avec les souterrains, ah, avec les espèces de gros je machins. Je me serais beaucoup moins pris d'affection pour les personnages si j'avais regardé dans l'autre ordre, parce que à partir du moment où c'est fantastique, je suis moins inquiet pour les personnages. Tu vois, tout ce qui arrive aux personnages, pas la sœur, pas le Dr. Satan, mais le troisième. Il n'a pas du tout le même rapport dans le deuxième film. Dans le premier, il a une espèce de rôle un peu plus lié à la partie fantastique dans mon souvenir. Et là, j'ai aimé le côté thriller-horreur du deuxième et que je n'ai pas aimé la partie fantastique du premier. Je les trouve trop dissociés l'un de l'autre pour moi. Je n'arrive pas à faire la suite. Ouais, enfin, je pense qu'il a forcément écrit l'un après l'autre. Et du coup, la suite... pour lui couler source. Quoi. Mais je sais, mais comme dans Les Sorcières de Salem, j'aime pas la partie fantastique. Toute la partie d'avant, j'adore. J'aime quand il y a les éléments qui sont là, tu sais. J'ai pas non plus accroché. Mais tu sais, les éléments qui te viennent te dire qu'il y a quelque chose de bizarre. Ouais. Je suis pas contre ça. Jusqu'au moment où ça vrille vraiment, là, bah non, en fait. Je suis 31, par contre. J'ai pas toujours pas vu un PS. Non, mais j'ai pas vu, tu m'as pas prêté, ça fait des mois, des années maintenant. Mais... bref, reprenons. Donc, tout ça pour dire que Fred Durst, bah, j'aimerais quand même voir sa vision à lui, en fait, d'un mec, je te rappelle, qui était tatoueur, qui a réussi à monter très haut en tant que groupe de rap metal. Et du coup, t'as aucun indice sur ce qu'il va faire ? Bah, apparemment, ça va parler de la vision de Fred Durst du stalking, à savoir c'est les gens qui suivent qui suivent un peu les gens sur les réseaux sociaux, et là, qui va suivre une star de je sais plus quoi. Attends, je vais essayer de comédie musicale ? Non, mais en fait, ça va être un truc un peu comme ça. C'est une espèce de thriller, en tout cas. Il faut savoir que c'est un énorme fan de Fight Club et donc ça sera sûrement dans cette un truc un... D'accord. Pour moi ça sera un truc chiadé quoi, vraiment. Ouais je pense, donc c'est pour ça que ça m'intéresse. Je dis pas, j'aime bien j'ai bien aimé, voilà. J'aime bien David Fincher, ce qu'il a fait sur certains films, pas tout, mais moi aussi pas tout, je suis d'accord avec toi. Ouais. Par exemple, je fais partie des gens qui n'ont pas du tout aimé The Social Network. Bah, par exemple, je l'ai pas vu parce que ça ne m'intéresse pas. Non, mais en fait, moi, j'ai pas du tout. En fait, j'ai toujours du mal un peu avec les histoires qui ne sont pas nécessaires à être racontées dans un film. Et The Social Network, je dis pas que l'histoire n'est pas nécessaire à être racontée, c'est juste qu'il y a beaucoup trop de trucs rajoutés pour rendre ça intéressant en tant que film. Parce qu'en soi, sur le papier, ça ne l'est pas et ça marche pas un peu. Ouais. Mais forcément. Voilà. Tu vois, si je devais prendre un contre-exemple parfait, c'est par exemple, on dit ils vont faire un film de Transformers, quoi, des robots, des jouets robots, mais ça n'a pas d'intérêt. Bah, attends, tu vas voir ce qu'ils vont faire. Et en fait, quand tu vois ce qu'ils ont fait, tu dis ok, le mec s'est lâché, il a fait un vrai truc, quoi. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Transformers, mais il a fait un vrai truc en disant tu peux pas imaginer ça, quoi. Quand on dit il a fait un vrai truc avec des robots qui défoncent tout et tout ça. Donc, mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais juste c'est. Il a réussi à trouver plus à raconter, alors que dans Social Network, il raconte juste ce qui s'est vraiment passé pour la création de Facebook. Et puis surtout que c'est un Fincher, quoi, c'est ça que j'ai pas trop compris. Mais... non, mais regarde-le, tu trouveras des trucs peut-être intéressants. Moi, ça m'a pas. Voilà. Ouais, enfin, est-ce que ça a un rapport, par exemple, avec tout ce qu'il a fait avant, quoi ? Dans certains trucs de réal, un peu, mais sinon, ouais. C'est vraiment juste l'histoire de comment Facebook a été créé. Comment il a pu faire. Oui, enfin, voilà. Bah, après, les biopics, en général, je suis pas fan, moi. Ouais. J'ai pas vu ce tour Merde, le PDG de Apple. J'ai un trou là. Je connaissais que lui. Oui, je l'ai aussi, mais non, je ne l'ai pas. Bref, j'ai pas vu cela. Je suis pas fan. J'ai détesté celui sur Piaf. Ah ouais, non, j'ai pas. Ah non, c'est pas pour moi ces films. Mais c'est pas. Et d'ailleurs, en parlant de films de merde, j'ai vu Épouse-moi mon pote. Pour qui faire... est un film de merde. Ah, pour faire plaisir à ma fille. On ne devrait jamais avoir d'enfant. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire. Eh ben, il va être temps de passer aux chroniques. Parce que ça fait quand même 50 minutes. Quoi, il faut que tu partes? Ouais. Bah écoute, on arrête l'épisode alors. Les chroniques, la semaine prochaine. Merci voilà, à tous. Voilà, c'est ça. Allez, on vous aime et on vous salut. Emmerde. Salut. Alors, faut que t'ailles pisser. Ouais. Donc je meuble. Tu meubles. Je t'ai choisi un truc bien chiadé. Très très bien. Alors, dans la famille des carbonifères. Qui remonte donc à 345 millions d'années avant nos jours. Sachant que le jeu a été fait en je ne sais pas quelle année. Alors, l'Ichthyostega, c'est sans doute un des premiers amphibiens. 1 mètre de long à cause de ses pattes courtes et trapues. Il se déplace avec maladresse sur le sol. Plus à l'aise dans l'eau, sa queue est semblable à celle des poissons. On l'a pas lu celui-là. Bon, de par cette existence semi-aquatique, semi-terrestre, il se nourrit de poissons et d'insectes. On en prend un autre, celui-là, il me plaît pas. Oh, magnifique! Dans la famille du Jurassique. Parce qu'en fait, à la base, c'est un jeu de cette famille. Hein. C'est ça qui est intéressant. Donc, dans... c'est ce qu'il n'a pas dit dans tout sur mon dino. Donc, ça, c'est le problème. Il ne dit pas des trucs comme ça. Donc, dans la famille du Jurassique, 190 millions d'années avant nos jours, le renforinque. Bon. Ces reptiles volants n'ont rien de commun avec les oiseaux. Leurs ailes sont plutôt des membranes de peau qui unissent leurs membres antérieurs à leurs flancs. Il ressemble un peu à une espèce de ptérodactyle, pour ceux qui ne visualisent pas. Vivant sur les rochers, ils s'ébattent en flânant sur les mers à la recherche de nourriture. Un peu comme Bob, d'ailleurs. Hop ! Oh non, celui-là, il ne me plaît pas. Oh, magnifique ! Encore un de la famille du Jurassique. L'archéoptérix. C'est drôle, parce que vous avez pensé à Astérix. Il est grand comme un poulet. Exactement ce qu'on dit demain. Par certains aspects, il ressemble à un petit dinosaure, bien qu'il présente de façon très visible un plumage d'oiseau. Grâce à ses caractéristiques intermédiaires, la preuve est faite que les oiseaux descendent des reptiles. Tout est dit, tout est fait. À vous, monsieur. À vous, les studios. Voilà, 52 minutes de news. Ah oui, rien que ça. Ouais. Alors, il n'y a pas que ça non plus. Bah non, il y a eu quelques galéjades, d'autres amusements. Des petites bottes. Voilà, donc on peut peut-être commencer les chroniques. Tu crois ? Commencer les chroniques. Alors d'abord, est-ce que t'as écouté des trucs sympas, toi ? Sympa, j'irai pas jusque-là. Non ? J'ai écouté des trucs. Moi aussi, j'ai fait ça. C'est tout. Très bien, eh ben, je t'en prie, commence. Moi, je peux. J'ai pris en plus dans le sens inverse hein, du non, tirage, s'en fout, parce que je me suis dit, tiens, moi j'aime bien tout ce qui est côté, on retourne les choses, les croix, parce qu'on parle beaucoup de black metal. Hein, c'est vrai, c'est vrai. C'est on retourne beaucoup les choses. C'est vrai. Voilà. Donc en fait, My Sperming, j'ai totalement été surpris, c'est un groupe de black metal. Alors, My Sperming, qui est un groupe qui joue samedi sous la Temple. Tout à fait. Voilà. Donc voilà, donc groupe de black metal norvégien. Et qui est tout récent, ce qui date de 2015, ce groupe. C'est tout ce que t'as marqué. C'est tout ce que j'ai marqué. Et si, ils ont un album. Voilà. Donc, c'est tout ce que je n'aime pas dans la musique, en fait. Ah, bah, pour le coup, c'est du vrai black metal. C'est du vrai black metal. Hein, Et du coup, je pense que c'était pas une blague, hein, leur titre, hein, leur, le nom My Spearming, hein, contrairement ouais. à ce qu'on a fait, nous, comme... Bah, en fait, j'ai vu la typo du nom. Ouais. Et là tu t'es dit je sais pas si la Norvège a une typo pour les lettres différentes des nôtres, j'imagine, mais il y a des trucs un peu, enfin c'est pas écrit pareil, nous on pourrait l'écrire, c'est ça, voilà. Donc c'est ça, enfin de ce que j'ai entendu, moi c'est une voix assez caverneuse. Mm-hmm. Le son est très sourd, très très black metal trou, voilà. T'as l'impression, ouais, c'est ça, qu'ils chantent dans une espèce de crypte ou je ne sais pas, dans un endroit grotte. Très confiné. Oui, une grotte, ou je sais peut-être pas trop, c'est assez... ben voilà. Très bien. Donc t'as pas kiffé ta... Bah disons que j'ai passé l'âge, en fait. D'accord, et t'as écouté beaucoup J'ai écouté 3 titres. En entier? Non. J'ai quand même été à un peu plus de la moitié de chaque titre et je suis non, c'est vraiment pas pour moi. Est-ce que c'est des longs titres ou pas? Je crois qu'ils font 4. En général, ils font 4 minutes. Ouais. D'accord. Donc. En moyenne, quoi. Tu ne recommandes pas? Je recommande aux fans de true black metal. Ouais. Forcément. Pour les fans de musette, non, je ne recommande pas. C'est ça, c'est important. On oublie un petit peu trop souvent. Bah ouais, les fans de musette, moi c'est vrai. Bon, bah tant pis, très bien. Alors, je suis désolé. Myspurming, un groupe de black metal norvégien. Très très bien. Je vais passer à mon premier groupe. Moi, j'avais Napalm Death, donc quand même un des groupes qui a été rajouté dans la toute dernière vague. Mmh. Est un groupe de grindcore britannique, et je ne le savais pas. Je pensais que c'était que du death metal, mais c'est grindcore death metal britannique. Ouais. Originaire de Meriden en Angleterre, formé en 1981. Donc, avant. Année de naissance. Avant Metallica. Et ouais, mec. Et, ouais. et sans plus aucun membre original encore présent. Tu pourrais dire avant M. Ouais, ça. Ah, et sans plus aucun membre original encore présent, ça m'a fait rire. Ça. Oui, normal. c'est normal. Je trouve ça super marrant. Bah ouais. Le groupe, il n'y a plus personne. Alors, par rapport à vos débuts, c'était comment? Bah, je sais pas. J'étais pas moi. Pas et toi? Bah, moi non plus. Et toi? Bah, pareil. Ça se passe. C'est qui vous a recruté? Bah, oui, du coup. Tu te rends compte, c'est quand même le groupe, c'est qu'au bout d'un moment, chaque fois qu'il y a un des membres qui était fondateur, il dit oh, je préfère me casser. C'est quand même assez. C'est un truc de dingue. Tu sais, il n'y a pas un mec qui. Il en reste pas un, en fait. Peut-être qu'on pourrait changer le nom. Non, bah, c'est bon, ouais, depuis 81, on a mis le temps, on peut garder, quoi. Ouais, mais il n'y a plus personne, quoi. C'est ça. Napalm Death, c'est un groupe. Donc de grindcore, je me relis, c'est super, est considéré par l'audience générale comme un pionnier du genre grindcore avec l'ajout d'éléments de punk hardcore et de death metal et l'utilisation des guitares distordues, d'un tempo rapide, de blast beat, de chants gutturales et des paroles sociopolitiques. Le premier album du groupe, Scum, commercialisé en 1987, donc les mecs quand même ont pris leur temps, 6 ans, c'est tout. A une grande influence dans la communauté metal globale. Paraît-il. Napalm Death recense un total de 15 albums et sont listés au Nielsen Soundscan, comme le 7e groupe de death metal ayant vendu le plus de CD aux États-Unis. Leur dernier album date de 2015, Apex Predator, Easy Meat. Et j'ai essayé d'écouter beaucoup de choses. Je dois dire que ça m'a un peu traversé comme c'est venu. Il y a plein de fois où je suis revenu en arrière pour écouter des morceaux beaucoup trop courts et il y a vraiment des trucs que je ne comprends pas dans le grindcore et. Les morceaux de 23 mais secondes. Mais c'est sympa, le grindcore. C'est jovial, c'est gay. Ça donne envie de danse. Il y a quand même des trucs, c'est vraiment genre, je limite juste un cri pendant 10 secondes. Quoi, truc c'est comme ça. Mais c'est pas un morceau, quoi. Là, les Ludwig 2088 ont fait le chant de la carpe. Mais il dure combien de temps? Eh ben, ça dure, je sais pas, moins d'une minute. Mais moins c'est d'une déjà minute long. Bah... Non, mais c'est déjà long. Non, mais là, quand t'as pas de bruit pendant une minute, quoi, c'est... Oui, non, mais ça... Encore, il y a un côté amusant, mais là, un morceau de 23 secondes, c'est bizarre. Enfin, moi je kéblo là-dessus. Par contre, comme j'ai relu mon report du Hellfest de l'année dernière, et en fait, ce que j'ai expliqué quand j'ai vu le groupe de grindcore Sick of Stupidity, c'est que ce que je ne comprenais pas à l'audio, je l'ai compris en live par rapport à l'énergie. Je veux dire, je n'ai pas vu de live de Napalm Death, mais si l'énergie est comme ce que j'ai entendu, ouais, c'est intéressant. Mais putain, mais 20 secondes en audio, ça n'a... T'écoutes un morceau, t'en as écouté trois. Tu vois pas les changements. Les changements, c'est un nouveau morceau, en fait. Donc, bah, c'est... Les gars, prenez vos 23 secondes. Je suis pas sûr que le grindcore soit vraiment une musique sérieuse. Mais c'est, voilà, mais ça, c'est ce qu'on aurait dû normalement faire si on était un vrai média propre. On aurait dû se renseigner, parce que je suis pas sûr que Napalm Death, ce qu'ils font, c'est des blagues. Bah oui. Donc mais t'imagines, ils font ça depuis 81, les mecs. Avec des thèses sociopolitiques. Ah, un peu comme moi en même temps. Je fais une blague. Sociopolitique. En plus. Donc c'est un groupe engagé techniquement. Et le morceau de 23 secondes, il est dans le dernier album. Hein, de 2015. Ouais, mais ils sont rapidement engagés. Ah, ils sont vraiment rapidement. Genre, imagine. Trump, Trump, Trump, Trump. Pshhh. Voilà. Eh, mais ouais. C'est mon morceau de grindcore, il s'appelle Trump. Rien à voir. C'est ça. Tu peux pas ils ont peut-être fait le même avec Poutine. Poutine, Poutine, Poutine, Poutine. Hein? Ça me fait plus rire quand c'est toi alors que c'est la même blague. Donc voilà, j'ai pas. Alors le truc c'est que je dirais pas que j'ai pas aimé, mais que ça. En fait, c'est passé un peu comme ça et comme à chaque fois j'arrivais pas à retenir ce que j'écoutais, ça m'a fait ah, bon bah ouais voilà. Donc ça m'a laissé un peu. Je veux dire, Napalm Dash, je sais que ça existe donc depuis, depuis 80. mais ça a toujours été là et j'ai jamais trop écouté. Mais par contre, je pensais que c'était plus death que grindcore. Et en fait, c'est plus les morceaux de death qui m'ont intéressé que les morceaux de grindcore. Moi, j'ai été surpris quand j'ai écouté Napalm Death, justement. Mais j'ai découvert ça il y a un an, un truc comme ça. Vraiment, je connaissais deux noms, forcément. Bah, à l'écoute, je ne connaissais pas. Et j'ai été surpris, justement, par le côté plus à mon écoute, punk que death metal. Ouais, voilà. Parce que les rythmiques déjà de batterie sont plus punk hardcore. J'ai pas fait attention à ça, je t'avoue. J'ai plus écouté les riffs de Grad qui étaient plus def. Chacun défend son petit. Défend son petit bout de Grad. Mais t'as bien aimé toi ce que t'avais écouté? C'est pas que j'ai aimé, mais j'ai été surpris vraiment me disant tiens, c'est pas en fait j'avais eu un a priori sur Napalm Death. J'ai trouvé beaucoup plus de grindcore que de death, mais par contre c'est vrai qu'il y a largement de quoi écouter dans tous les styles. Tu peux te faire vraiment une bonne écoute de plein de trucs, mais j'arrive pas à retenir de morceaux quoi, Après c'est jamais évident hein. Ouais, mais c'est ça, en fait, c'est plus ça. Dans ma manière d'écouter, je prends plusieurs morceaux, je balance dans une playlist et ça enchaîne. Et du coup, j'ai eu l'impression d'écouter deux chansons quand il y en a eu six qui sont passées. Donc je me dis, j'arrive pas à me faire un avis sur le groupe. Donc je suis retourné écouter un album et pour le coup, quand il y a 20 morceaux dans un album parce que ça va très vite, je fais, c'est épuisant. Donc il y a rien qui a retenu mon attention plus que ça, en fait. Donc je pense que c'est juste pas pour moi. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais je conseille à tous les gens qui aiment Napalm Death et ils sont nombreux. Certainement. Tout à fait. À vous-même, jeune homme. Ah, merci bien. Vous êtes fort aimable. Donc j'avais Amorphis. Ah, j'ai pas dit au fait. Pas confondre avec Amorphol. Amorphis. Non, c'est pas. J'avais oublié de dire Napalm Death va passer le vendredi à Altar. Voilà. Voilà. Et Amorphis va passer le dimanche à Altar. Tout à fait. Donc Amorphis, qui est un metal progressif, death metal, mélodique, folk metal, doom. Oh putain. Finlandais, qui sont en activité depuis 90. 1790. Ah ouais, quand même. Ah ouais, non mais pareil, les mecs, y a pas un membre original. Ah bah non, là, du coup, hein. Non, tu m'étonnes. Donc voilà, il est formé par Ran, je ne sais pas comment on dit parce que c'est finlandais. Et on parle toujours pas le finlandais, saison 3 on a dit, saison 3. Donc voilà, Reg Berger, Tommy Kovunsari et Esa Ola Penses en 90. Il y a vraiment un Ola Olo, pardon. Ah parce qu'on aurait dit Olo. Vraiment Ola. Ola, Olo. Olo. Ouais, c'est mon accent normand, c'est normal. Ah t'es normand? Ouais. Ah, bah, en même temps, on a dit qu'on dévoilait un peu plus sur nous. C'est vrai, c'est vrai ce que tu dis. Bah, on l'a quand même fait, on a dit qu'il y avait de la gastro, on a dit qu'il y avait des problèmes. Oui, c'est ça. Et que tu pissais dans les vies en même temps. Ouais. Donc. Écoute, attends. Et que. Non, c'est tout. Ouais, c'est tout. C'est bien déjà. C'est déjà pas mal. Non, t'as peur. Hein. Il va dire une grosse queue aussi con que lui. Non. Alors. exécutant à leur début un death doom progressif avec quelques nuances gothiques. Oh. Et ouais, ça c'est Amorphis. Leur style musical a évolué vers un metal moderne et mélodique. Et c'est vrai que j'ai écouté en fait leur premier album et leur dernier album. Et on sent la différence, vraiment. C'est pas mal. J'ai écouté pire. La voix, ça va. Ouais. Parce que forcément... La voix, c'est comme le gras, c'est la vie. Ou pas, moi je l'ai demandé. T'as toujours quelque chose à dire. Non, mais. T'es vraiment prétentieux. Pardon, excuse-moi, je retire. Et voilà, non, ça, c'est bien. Ça va. J'ai pas trouvé ça dégueulasse. Ça s'écoute bien. Si c'était dans une playlist, eh bien, je ne zapperais pas. Et ça, c'est quand même un signe. Exact. Est-ce qu'on peut mettre approuvé par Rod to Hellfest? Je dirais ouais. Une fois un tampon. On devrait avoir un truc. On devrait avoir un tampon. Approuvé. Approuvé. D'accord. Approved. Donc voilà. Non, je. Allez écouter Amorphis. Ça va. Très bien. Ça passe bien. Ok. Amoisque. Wix. Je vais passer à Turnstile, qui passe le samedi en Warzone. C'est un groupe de punk rock américain de Baltimore dans le Maryland. Tu te rappelles, c'est là où on avait passé nos meilleures vacances. C'était sympa. Les feuilles mortes qui tombaient sur le bord de rivière. Les batailles de boules de neige. La nage avec les dauphins. Oh là là là là. Formé en 2010. Qui ont sorti... Et tu t'en rappelles? Oui. Les petits pulls de laine. Et les petits cocktails. Oh, c'était sympa. Tu te souviens, parce que quand tu m'avais mis le petit palmier derrière. Là, par contre, c'est trop intime, tout ça. C'est... Donc, formé en 2010, qui ont sorti 3 EP et 2 albums studio. Leur premier EP sort en 2011 et le second en 2013, le janvier... Oh, d'accord, j'ai pas mis... Voilà. J'ai pas mis le... Il se perd dans lui-même. Excusez-le, il est malade. Bon, est-ce que sa colocataire lui a toussé dans le visage? Ah ouais, du coup, c'est horrible ça. Alors j'ai une colocataire avec qui on partage un lit parce qu'il n'y a qu'un lit dans le studio. Et elle était malade. Bon, ce qui arrive. Hein, c'est un studio avec 3 chambres. Voilà. Et... bah, c'est pas comme ça un studio. Et donc à un moment donné, dans la nuit, elle se tourne vers moi et elle m'a littéralement toussé dessus pendant une bonne demi-heure. Et lui, il s'est même pas tourné. Hein, si, mais non, mais moi j'étais plus sur. Il avait même pas cherché à se défendre. Enfin, j'ai essayé au début, j'ai battu les microbes. Bref. Donc, le je ne sais combien janvier 2015, c'est au tour du premier album Non-Stop Feeling de débouler dans les bacs. 23 février 2018, donc très récent. Tu devrais travailler sur M6 le midi. Le midi. 23 février 2018, sortie de Time and Space, leur second album, que j'ai écouté. Turnstile, donc c'est du punk rock américain. Alors dans une playlist, comme tu as tendance à dire, ça passe très bien. Et là, le problème, c'est de ce que j'en ai écouté, moi, c'est passé très bien. Il y a vraiment... Alors, c'est embêtant parce que c'est un peu vraiment ce que j'ai ressenti dans tous ces groupes. Donc, est-ce que c'est parce que moi, j'étais pas en super forme, mais c'est vraiment passé sans que ça ne m'arrête, en fait. Il n'y a pas un titre plus que ça. Ou... Tu sais, il n'y a pas... En général, dans tout ce que j'écoute, il y a souvent une chanson ou deux que j'ai bien aimé, dans les groupes que j'ai bien aimé, où je m'arrête, où j'ai envie de réécouter. Là, j'ai dû réécouter plusieurs fois, j'arrivais pas à retenir ce que j'écoutais. Ou alors, j'ai fait un AVC, ou j'ai un cancer du cerveau, mais il n'y a rien qui est ressorti de ce que j'ai écouté. Ne dis pas ce genre de choses. Pardon. Lequel truc que je dois pas dire? J'ai dit beaucoup de choses. Je sais plus. C'est vrai. Oui, il y avait beaucoup de choses, donc c'est pour savoir le point. Les entrecôtes. Non, ça parlait pas d'entrecôtes. Non, si. Non, pardon, je parlerai plus d'entrecôtes. Ouais, c'est ça. Un bon beefsteak. Voilà. Donc, c'est du punk rock sympa, efficace, mais ni original, ni plus qu'autre chose, quoi. Donc, ça fait le taf, quoi. Ouais. Je pense que tu vois ça un matin quand t'arrives au réveil et tout ça, tu passes un bon moment, mais moi de ce que j'ai écouté, ça m'a vraiment pas arrêté en fait. Il y a rien qui s'est démarqué pour moi d'un autre groupe de punk rock, mais vraiment ni plus ni moins quoi. C'est pas. Voilà. Donc ça, je trouvais ça. Pour moi, c'était moyen. Tu vois, pas moyen nul ni moyen bon, moyen quoi, vraiment. Ouais. Tu vois, pas le genre de truc où tu retiens un truc et tu dis ah, je me souviens là. Voilà, mais c'est pas ouf quoi. Ouais. Ni plus ni moins. Et c'est comme une Granny Smith, quoi, c'est pareil. Oh, j'aime bien, moi. Ouais. Ouais. Ah, moi, je suis plus Golden, quand même. Ah, c'est pas la même chose. Mm. Surtout parce que la Granny Smith, tu peux quand même des fois la mettre dans des petites salades et tout. Elle est croquante. Elle est croquante. Ah, ouais. Tu vois. Ah, c'est vrai, c'est pas chaud. Tu vois, on revient toujours à des choses. Ah, t'as raison. Non, mais ouais. Autant pour moi. Allez, je te passe le relais. Alors moi je n'arrive plus à me relire parce que c'est soit un... c'est le relais. Ok, donc trêve de tentative d'humour, de trêve de quoi de... trêve de guerre, ouais, ou trêve de polysirène. Je savais pas quoi dire. Non, mais c'est bien. C'est donc bien. J'avais The Lurking Fear. C'est vrai, c'est marqué. Qui passe le dimanche à Altar. Tout à fait. Oh, non, t'es gâté. The Lurking Fear. Aïe, aïe, aïe. Ou la peur qui rôde. Donc c'était lié le. Ou tu t'es vraiment fait mal parce que... Non, je me suis vraiment fait mal. Ah d'accord, ce que je faisais. Un happening. C'était un happening, mal. T'imagines le truc de ouf. Ah, un happening, je sais pas prêt. Ah, je suis génial. Oh, mais t'es acteur. Totalement. En fait, tu vois, je disais au début, mais... Non, tu me l'as demandé à moi. Tu ne m'as pas dit pour toi. Si, je l'ai dit. Ah, peut-être. Rappelle-t'en. Parce que moi, je ne suis pas vraiment acteur. Attends, je vais réécouter le podcast. J'arrête tout. Alors qu'en fait, si. Bon, bah, en fait, si. Ah, en fait, t'es acteur? Ouais, totalement. Tu t'appelles pas Bob? Non. J'ai pas de nom pour l'instant, mais ça va venir. The Lurking Fear ou La Peur qui Rôde est une nouvelle fantastique horreur écrite par H.P.L. Lovecraft. Soit Howard Phillips Lovecraft. En novembre 1922 et publié par épisode entre janvier et avril 1923 dans le magazine Homebrew. Hamburger? Non, Homebrew. Home. Oh, maison. Comme la maison. Ouais. Avec un toit. Des... Ça, j'ai. Et Brew. Alors, je ne sais pas trop. B-R-E-W. Ah, Brew. Brew. On s'en fout. Vas-y, continue. Ouais, on s'en fout. The Lurking Fear est un nouveau groupe fondé par les membres de At the Driving. Oh, putain, je suis bon. At the Gate. Yes. Voilà, Thomas Lindbergh au chant et Adrian Erlandson à la batterie. Le guitariste Jonas Stamhammer, ex-chanteur de The Crown. Le guitariste Frédéric Wallenberg, Skid System. Et le bassiste Andrea Axelsson. Non, parce qu'en fait, j'arrive pas à mourir. Pas vraiment. Axelsson. T'as écrit ça bourré ou... Ouais, je commençais déjà au bout de 7 ou 8 bières, tu sais plus trop ce que... Combien t'en as bu ? Disfear, Tormented et Ex Edge of Sanity. Petite question. Non. C'est un petit peu fasciste. Ce podcast, tu dis que c'est l'autre groupe de membres de At The Gate, mais d'anciens membres d'At The Gate ou ils sont encore dans At The Gate actuellement ? Si je me trompe pas, ils sont encore dans At The Gate. Et At The Gate, ils viennent pas cette année? Si. Donc il y aura deux groupes? Ouais. D'accord, cool. Ça va être sympa. Ça va être sympa. Bah ouais, carrément. Ah, si on y va. Je sais pas. Bah du coup, c'est pour ça. Ça va peut-être pas. Enfin, ça va être sympa pour ceux qui seront là-bas. Mais voilà, c'est ça. Et nous, on est comme ça, on pense aux autres. Bah exactement, on donne avant tout. Quoi. C'est ce qu'on fait, on fait un podcast pour les gens. Alors... Ouais, on fait pas pour nous à la base. Est-ce que vous croyez que ça nous intéresse, nous? Pff, c'est clair. Franchement, on a autre chose à foutre. Attends, moi j'ai une Switch. Moi j'ai. T'as GTA. Ouais, en plus. Alors. que j'ai récemment élu meilleur jeu de ma vie. Ah, bravo! Ouais. On peut applaudir. Bah. Non. Et en deuxième? Je sais pas. Ah, je sais pas. T'as pas de deuxième? Je saurais pas lequel mettre en fait. Parce que GTA en fait, je pense qu'il. Mais pourquoi pas le mettre? Pas le bordel de merde! Donc, bah forcément, ils sont suédois. Du coup, parce qu'ils étaient déjà de Suède. À la base, ils ont un album, parce qu'ils sont tout nouveaux. Hein, c'est vrai. Vraiment tout nouveaux. C'est du death metal. Moi, j'ai trouvé un peu un peu hardcore, avec un chant bien hardcore. Hein. Vraiment, c'est pas mal. Ça envoie du bois, c'est pas mal. Et franchement, ça chie les burnes, quand même. Carrément, donc t'as bien aimé ça. J'ai bien aimé, ouais. Est-ce que ça pourrait être un groupe que t'irais voir? Peut-être, si l'occasion se présente. D'accord. Ouais. Mais seulement si elle se présente. Oui, parce que sinon, non. Avec son nom, son adresse. Non, parce que, alors, par exemple, est-ce que t'as bien aimé au point d'acheter un album? Non. À The Gate, t'avais dit que t'aimerais bien réécouter plus que ce que t'as écouté. Oui, tout à fait. Donc celui-là aussi? Ou t'as écouté tout ça? Ouais, non, enfin, après, ils ont qu'un album. Donc, oui, mais tu l'as écouté en entier? Non, j'ai pas écouté en entier. Non, je ne l'ai pas écouté en entier. Je l'ai écouté juste que 3 titres. Ça se moque d'un homme malade. Voilà, c'est ça. Moi je ne marchais pas il y a encore 15 jours et ça à personne. C'est ça, personne ne le saura. Non, je n'irai pas acheter l'album forcément, mais je trouve qu'il y a une. Il y a un truc. Une bonne énergie. C'est ça. Ouais, c'est un. Et tu vois, il y a. Tu vois, je veux dire. Oui. Et t'as envie de dire vas-y, fais chier quoi. Ouais, tu vois. Et bah t'y vas. C'est d'accord ça. Bah, meilleure critique du monde, hein. Eh bah, ben, fais chier, c'est bon, parfait. Non, mais tu vois l'idée? Oui, tu m'as donné envie. Voilà, pareil, Je pensais avoir écouté tes groupes, du coup, tu m'as donné envie de réécouter ça parce que je suis peut-être passé à côté. Tout à fait. Très bien. Maintenant, c'est à mon tour, je vais passer à Misanthrope. Misanthrope qui passera le vendredi sous la Altar, et c'est bien sûr un Cocorico. Parce que Le Misanthrope est une comédie de Molière en 5 actes et en vers représentée pour la première fois le 4 juin 1666. Et ouais, regarde. Sur la scène du Palais Royal, le sous-titre ou l'atrabilaire amoureux. Ne figure pas dans les éditions publiées de cette pièce, mais seulement dans la mention manuscrite du privilège accordé le 21 décembre à Molière pour l'impression de sa pièce. Et le 21 décembre 1666, je suppose. L'atrabilaire, du latin atrabilis, bile noire. C'est vrai, le 21 décembre, c'est ton anniversaire. Non, mais c'est bon. Peut-être que tu es une réincarnation de Molière, en fait. Peut-être. Bah, t'as vraiment pas bien utilisé ta réincarnation. J'ai gâché ma vie. Alors, l'atrabilaire, du latin atrabilis ou bile noire, désigne dans le langage courant, en parlant de la théorie des humeurs des disciples d'Hippocrate, un individu disposé à l'abattement, la tristesse, la méfiance et la critique. Dans un sens positif, on lui attribue également la fiabilité et la maîtrise de soi. Ça veut tellement rien dire. Ouais, puis c'est tellement pas intéressant ce que tu racontes. Alors que la misanthropie et le fait de détester ou mépriser le genre humain dans son ensemble. Ah, voilà qui est mieux. Sans aucune distinction de sexe, d'ethnie, de religion ou de nationalité. La misanthropie s'oppose à la philanthropie et ne doit pas être confondue avec la misogynie ou la misandrie. Ah, ben voilà, c'est bien ça. Pourquoi je me suis permis ce petit point précision ? Parce que tu es misanthrope. Non, j'irai pas jusque-là. Je suis pas en train de détester ou mépriser le genre humain. M'indiffère. Oui. Donc c'est beaucoup moins violent, tu vois. Oh, c'est pas violent. À un moment, c'est individualiste. Oui, mais de détester et mépriser le genre humain, c'est violent. Moi, c'est beaucoup moins violent. Oui. C'est ça que je voulais dire. Oui, c'est ça. Tu veux et donc. Faire brûler ma palme. En revenant de la guerre du Vietnam. C'est ça. Misanthrope est un groupe de métal extrême français formé par Philippe Courtois de la Régilière ou de l'Arguilière à l'hiver 1988. À l'hiver 1988. S'il vous plaît. Je pense que c'est lui qui a rédigé son nom. Bien sûr, j'entends bien. Originaire de Livry-Gargan en Seine-Saint-Denis, le nom du groupe s'inspire de l'œuvre éponyme de Molière, particulièrement dans les premières heures de la formation. SAS de l'Arguilière, donc ça doit être son surnom. C'est assez prétentieux. Utiliser le prisme du personnage d'Alceste, donc héros de la pièce, au sein de ses compositions, lui permettant ainsi de mieux refléter sa vision pessimiste et mésanthropique du monde et de la France contemporaine. Ce qui est marqué. Et de la France contemporaine. Voilà. Je l'aurais pas marqué comme ça. Non, non plus. Les membres du groupe vivent. Alors, ça, c'est fort. Les membres du groupe vivent actuellement entre Angers, Paris, Nancy et Toulouse. Oui. Les mecs sont partout. Au croisement d'influences tant à la fois du doom metal, du death metal et du black metal, le groupe se décrit lui-même comme un combo de metal extrême, permettant ainsi d'intégrer dans cette définition le lyrisme dont il fait preuve, notamment à travers l'utilisation particulière des claviers de leur début, rejoignant ainsi la mouvance du metal avant-gardiste. Premier album en 93, Variation on Inductive Theory, et le dernier en 2017, Alpha X Omega, le magistère de l'abnégation. Et tu me diras, mais qu'est-ce que donc que le magistère ? Non, je vais pas te dire ça. Le magistère, celui qui enseigne, le maître, désigne l'autorité en matière de morale et de foi de l'ensemble des évêques, et spécialement du pape, sur les fidèles catholiques. Vous voyez comme c'était chiant ? C'est le grand maître. Et ben, l'écoute de Misanthrope m'a un petit peu fait cet effet-là. Ah, voilà. Ah là, tout a un sens. Non, en fait, Misanthrope fait partie des groupes où... tu vas être content. Musicalement, ça va, mais quand ça commence à chanter, je fais... Ah, parce qu'il part dans des lyrismes un peu chelous. Vraiment des envolées lyriques qui sont bien particulières à lui, mais des trucs vraiment, pas forcément en voix écorchée et tout, en voix normale, mais ça fait... des trucs un peu comme ça, et ça comme me fait... le groupe que j'ai pas chroniqué. Ah bon ? Ah ouais. T'as été écouté Carnivore ID ? Non, c'est un autre. Ah, le premier, tu veux dire ? Ouais. Ah ouais, non, mais là, c'est... Non, je qui était français, d'ailleurs, aussi, hein. Ah oui, Exécuteur, non ? Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Et du coup, non, là, c'est pire que ça. Là, ah, ça, oui. ça fait vraiment lyrique, quoi. Je peux ? Oui, je t'en prie. Ouais. Donc du coup, j'ai pas du tout accroché, alors que pourtant, comme souvent, l'intro musicale pouvait me tenir, et au moment où ça chante, je décrochais. En plus, bon, par contre, ça chante en français, ce qui est bien et pas bien en même temps, parce que du coup, je comprenais ce qu'il chantait, et je suis pas du tout rentré dedans, quoi. Donc... c'est là que c'est plus dur. C'est pas du tout pour moi, donc autant je trouve ça courageux de chanter en français, parce tout que à fait. C'est toujours vachement plus compliqué, surtout dans le métal, je trouve, parce que tu parais vraiment rapidement ridicule. Parce qu'on traduit pas toujours ce qu'on écoute en états-unien. On se fait plaisir. Voilà. Certainement, on peut être aussi ridicule. Totalement ridicule. Hein, je veux dire, y a pas. Je veux dire, quand tu prends des chansons. Voilà. Du coup, moi, j'ai pas accroché. J'ai essayé de retourner dans les premiers albums pour voir s'il y avait des trucs un peu différents. J'ai un peu jonglé dans toute la discographie du groupe, mais j'ai pas accroché à aucun moment. Je suis pas rentré dedans. Il y a eu différentes périodes, différents styles, mais j'ai pas. Non, c'est pas pour moi, c'est pas du tout. Je suis désolé. Mais je le recommande à tous les gens qui aiment Molière. Ouais, pourquoi pas. Je vous en prie. Converge. Donc, groupe états-unien. Je connaissais Diverge, mais pas Converge. Vendredi en Main Stage 2. Tout à fait. Alors qu'on aurait pu croire ailleurs. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est vrai. Mais alors, où tu l'aurais vu, où, toi, Converge? En Warzone. Ah ouais? Ouais. Ah bah, moi, les écouter, je les aurais pas vus en Warzone. T'as une oreille de merde, de toute manière. Tu vois celui-là? T'as vu mon vernis? Regarde. Un double vernis. Ping! Allez. Je t'en prie. Parle-nous de Converge. Donc, c'est un groupe états-unien. Ah! Je m'en doutais. Voilà, de punk hardcore, madcore, grindcore. Alors attends, punk, hardcore, madcore, tu les vois pas en Warzone, toi? Ah non, mais je vous jure. Sur le papier, c'est du punk hardcore, madcore, grindcore. Bah si c'est marqué, c'est que c'est vrai. Hein. Non. Mais toi, de toute façon, Bon, je me casse. Moi, je suis malade, j'ai mal à la gorge, j'ai pas de temps à perdre avec des mecs qui sont comme ça, désagréables comme ça, qui me font venir dans leur microbe là. Tu sais que putain, tu sais que je suis phobique, bordel. Et je t'ai pas obligé à venir, mec. Oh. Tu sais, tu peux repartir. Ah bah, je tout de suite. Non, j'attendrai qu'on termine. J'en partirai quand l'épisode terminé. Ouais, c'est ça. Je t'en prie, vas-y. Donc, en activité depuis 90, ah, quand même. C'est les mecs de Boston dans le Massachusetts. Ah ouais, j'aime bien. Mm. Ah, ça sera pas la bague. Donc Jane Doe. Ah. On va confondre avec John Doe. Non, un ami à moi lui aussi. Qui est toi-même d'ailleurs. C'est un petit peu. L'un de mes nombreux obsèdes. Voilà, c'est ça. Donc Jane Doe est l'album qui propulse Converge au premier plan de la scène punk rock. Alors, ce qui est totalement faux. Pour ma part. Mais non, mais comment. Oui, alors je vais. Ouais, d'accord. Donc toi, tu réécris l'histoire. Non, totalement. C'est pas cet album-là qui propulse. C'est bon, tu vas te battre, on va se battre. viens. En fait, pour ma part, Converge n'est pas un groupe de punk hardcore. Ou comme tu t'enflammes, vas-y, je t'en prie. T'as écouté Oui, je l'ai écouté. Ah! Très bien. Et de ce que j'ai écouté, c'est pas du punk hardcore. Non. Tu connais Soylent Green? Eh ben, oui, ça se rapproche. C'est un groupe en colère. Ouais. Bah, Soylent Green, moi, je les verrai en Warzone. Hein. Eh ben, pas forcément. Tu vas bien fermer ta gueule. D'accord. Ah bon, donc toi, ça se rapprocherait plus de ça. Ah bah oui, t'as écouté Converge? J'ai écouté un petit peu, mais ce que j'ai écouté n'était pas... Ça ressemble à du punk hardcore. Pour moi, le punk hardcore, c'est plus GBH ou des groupes comme ça, tu vois. Que là, ça n'a pas grand chose à voir avec du punk hardcore. Pas pour ma part. Bah, j'ai pas assez écouté pour donner un avis. Pour me permettre. Là, c'est vraiment. C'est ultra violent, quoi. C'est... Ouais, bah, après, le madcore, ça se rapproche un peu du metalcore. Donc, si on tient un mélange hardcore, il y a... Là, c'est très braillard et très, très violent musicalement, quoi. Assez déstructuré, très. Oui, le madcore, déstructuré dans la structure. Parce que c'est, voilà, c'est ça. C'est le principe du metalcore et de la madcore, c'est que justement, c'est très. Le punk hardcore, là, il a. Pour moi, il n'a pas. On aurait dit madcore directement avec grindcore. Ouais, je suis d'accord. Oui, mais si on parle. T'as écouté. Ah, Agenda, c'est leur combienième album? Ça doit être leur troisième. Et est-ce que t'as écouté le premier album? Ouais. Et est-ce qu'il était différent? C'était... En fait, non, pas vraiment. Quoi. Ouais, parce que sinon, j'allais dire, s'ils étaient plus punk hardcore au début, ils ont évolué en madcore. Et... Non, en fait, c'est justement Jane Doe qui leur a permis d'être propulsé sur la punk, sur la scène, la mouvance punk. Ah oui, d'accord. Punk rock. Punk rock, hein, c'est vraiment punk rock. Hein, c'est pas punk hardcore, c'est punk rock. D'accord. Bah, comme peut le faire des groupes comme... Voilà. Ah oui, ceux-là. Ah, j'aime Bad Religion, Rancid ou des, tu vois, des trucs comme ça. Ah oui. Non, alors non. Mais du coup, tout... d'accord, donc pour toi, ça serait plus un groupe de quoi alors ? Là, je pleure. Ah bah c'est... Je pleure. T'es triste ? Bah faut que j'appelle ma maman. Tu veux qu'on en parle ? Non, non, ça va aller. Je... Bah appelle-la si tu veux, je vais meubler. Non, non, c'est bon, ça va aller, merci. Allô, maman ? Alors donc... T'en pas. Le... Mais non, mais je... Non, mais pour toi, tu classerais dans quoi alors ? Bah plus dans le madcore et grindcore. Hein. D'accord. Donc pour dans moi... Dans grindcore ? Dans metalcore ? Bah grindcore à certains moments, oui, certainement. Franchement c'est ultra violent quoi. Oh, t'es chouchotte. Ça n'a... Je suis pas chouchotte, enfin, je veux dire, pour ma part, j'aime bien. Je te dis, Soylent Green, c'est un oui, des groupes que t'as bien aimé. J'ai bien aimé, c'est totalement déstructuré et pas aussi... Alors ce que j'aime bien, pour faire la différence dans Soylent Green justement, quoi, c'est qu'il y a musicalement, c'est assez riche. Oui. Donc dans toute cette déstructuration, musicalement, choses. Voilà, ça, c'est ultra riche et il va chanter de façon différente à chaque fois, que là, il va chanter toujours... Est-ce qu'on peut dire un peu comme The Dillinger Escape Plan ? Voilà. Ça se rapproche assez de ça, que j'avais détesté et que, au bout du compte, j'avais. Je me suis dit, waouh, en fait. Ouais, dis donc. Et puis t'as été alors, défoncé dessus. Ouais, carrément. Et, ah oui, c'est vrai, on doit arrêter. De... Voilà. C'est parce que j'ai lu le report et ça m'a rappelé tout ça. C'est d'accord. Donc, ok, donc pour toi, c'est plus. Ouais. Bah, en fait. Pour moi, la Warzone, pour Converge, c'est... Non, j'aurais plus vu sous la scène Temple ou Altar, je ne sais plus laquelle. Que, bah plus Altar, alors, du coup, voilà. Je pense. Mais voilà. Donc, du coup, j'aime bien et j'aime pas forcément, tu vois, ce... Mais l'album Jane Doe que t'as écouté, t'as pas aimé tout l'album, t'as aimé 2-3 trucs et il y a des 3 trucs que t'as pas aimé. Bah, c'est pas que j'ai pas aimé ou que j'ai bien aimé, c'est... C'est l'ultra-violence pour l'ultra-violence et ça n'a... Bah tu vois, j'arrive pas vraiment à situer un truc dessus, quoi. Ouais, donc t'as moins aimé que Soylent Green. Par exemple. D'accord. Qui est, je trouvais ça moins structuré et musicalement moins intéressant. D'accord. Parce que ça toujours sur la répétition de... Ça gueule et ça, c'est violent. D'accord. Voilà. Il n'y a pas ce côté... Est-ce que malgré tout, tu as eu envie d'en écouter d'autres ou tu as écouté assez ? Bah, je pense qu'il y a des chances que j'aille voir un petit peu parce qu'ils ont pas mal d'albums. Et du coup, je ne sais pas combien en tout. Mais je pense que ouais, je vais aller voir un petit peu l'évolution. Bah, ouais, parce que moi, l'évolution du coup, ça m'intéresse ce que tu dis parce que si tu dis qu'ils ont été mal classés et tout ça, ça m'interpelle et j'ai envie de me renseigner aussi. Très bien. Donc, oui, je vais aller voir l'évolution, comment on fait du groupe. Ok. Tout bon. Simplement. Oh, putain, mais ça m'a pas déplu. Bah, mais ça m'a pas forcément plu non plus quoi. T'as encore beaucoup à dire sur les autres groupes ? Non. Non ? Non, après non, ça va, c'est de la merde donc. Non mais bah, c'est ça fait déjà 1h27. Eh ben voilà. Alors, je passe à Avenged Sevenfold, qui jouera en Main Stage 1 samedi. C'est un groupe de heavy metal américain. Ah bon ? Bah, j'aurais pas forcément classé non plus là-dedans. Mais non, non plus. Originaire de Huntington Beach, en Californie, le groupe a longtemps été un pilier de la scène underground californienne avant d'évoluer vers une musique plus mélodique qui a permis au groupe de connaître le succès avec l'album City of Evil et l'album homonyme Avenged Sevenfold, fondé par... le groupe... Ah, juste petit point intéressant. Aujourd'hui, ils ont dans leur rang Brooks Wackerman, ex-batteur de Bad Religion et frère de Chad Wackerman qui a joué avec Frank Zappa. Voilà, c'était une petite news pour toi. Voilà, petit cadeau. Le groupe émerge dans un son metalcore lors de ses deux premiers albums, Soothing the Seventh Trumpet et Walking the Fallen. Alors j'ai écouté justement ce matin même leur premier album et c'est vrai qu'il n'a pas trop à voir. Moi j'aurais pas vu le groupe évoluer comme ils sont aujourd'hui quoi. Ouais. Aujourd'hui ils sont vraiment dans un truc qui est très mélodique, qui est très intéressant et tout, mais J'ai pas vu le potentiel dans le premier album, moi, personnellement. Et participant aussi à la popularisation de ce genre, puis évolue vers un son plus hard rock et heavy metal avec City of Evil et Avenged Sevenfold, Nightmare, apparaît après la mort du batteur The Rave en 2010, remplacé par Mick Portnoy, batteur de Dream Theater. En date, Avenged Sevenfold ressente 9 albums studio, 1 album live, une compilation, un DVD et 19 singles et plus de 8 millions d'albums vendus à travers le monde. C'est un méga groupe de main stage, c'est un groupe qui est là pour faire le show. Toi, tu les as vus il y a quelques années, t'avais bien aimé. Sans trop connaître en plus. Bah, je connaissais pas. je connaissais juste le titre Nightmare, justement. Qui est pour moi un des titres que j'aime le moins. Donc, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le groupe, ça fait un long moment que je les suis. Et je trouve qu'ils sont un peu dans la mouvance quand même metalcore et tout ça, avec un petit côté heavy par moment, mais. Il y a des moments où je perds complètement le groupe parce que je trouve que c'est un groupe quand même qui est assez comme mainstream, dans le sens où ils ont quand même vraiment des morceaux taillés pour passer en radio et être populaire, et un peu à la manière de Five Finger Death Punch, où ils ont beau être genre groupe de métal, mais ils ont quand même des trucs, des ballades vraiment assez insipides, entre deux morceaux bien trouvés, bien techniques, parce que vraiment les deux guitaristes sont extrêmement techniques. La batterie, j'ai pas forcément remarqué. Bah, sur l'album Nightmare, un peu plus, parce que Mick Portnoy, il en fait toujours des caisses de toute manière. Donc, des caisses. Batterie. Ouais. Donc, vraiment, c'est un bon groupe qui passe bien. On sent quand même que le groupe a voulu évoluer vers quelque chose de plus populaire pour. De la plaire ou pas, je sais pas, mais quand t'écoutes leur premier album, c'est très très vraiment c'est différent, quoi. T'es pas dans le côté groupe qui essaye des trucs, tu te dis vraiment ouais, ok, ce groupe là il pourrait, enfin moi je me suis même posé la question, genre si c'est pas un producteur qui a dit vous devriez peut-être faire ça, parce que c'est, enfin je vois pas moi la possible évolution de ce qu'il y a eu derrière, en fait. Si tu prends leur dernier morceau avec leur premier, tu fais tiens, le virage il est violent quand même, c'est assez je connais pas plus que ça Avenged Sevenfold. Ça me branche pas des masses. Je sais que Parcimonie en a mis pas mal, quoi. Ça me parle pas. Bah, il y a quand même 2-3 morceaux qui sont vachement bien dans musicalement, c'est propre, c'est carré, ça a rien à voir. Il y a vraiment des bons trucs à tirer. De toute manière, c'est ce que j'appelle un groupe de stade, quoi. C'est vraiment groupe pour les main stage. Ouais. Pour le coup, c'est vraiment ça. Oui, par contre, ça, j'ai été bluffé, moi. Voilà, donc. Mais depuis, j'ai pas été me dire, hey, je vais y réécouter. Mais le live en lui-même, quoi, était. Ouais, non, mais ça. Après, il y a vraiment des plans de guitare et des trucs techniques hyper intéressants. Et mélodiquement et musicalement, c'est intéressant. Il y a juste de temps en temps 2-3 ballades qui viennent juste. Moi, il faut retomber le truc un peu trop plat pour me tenir en haleine sur le long terme. Mais ils ont vraiment des hits en puissance. Moi, je recommande assez. Moi, je recommande une écoute globale, en fait. Faut vraiment, parce qu'il y a des trucs à piocher vraiment très intéressants. Mais un peu comme il peut y avoir dans Five Finger Death Punch, c'est que des fois, c'est le côté mainstream qui vient de gâcher tout, parce que tu vois que le groupe est aussi taillé pour ça. C'est quoi. Ça. Voilà. Voilà, c'est ça. Je crois qu'ils sont équivalents tous les deux, quoi. C'est voilà. Je vous en prie. Ah, c'est à moi. Ouais, genre, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Hein, j'ai fait le tour. Hein. Donc, j'avais Crowbar. Pas grave. Voilà. Bonne soirée. Qui joue vendredi sous la vallée. T'es cool. Donc c'est un groupe des États-Unis. Groupe de sludge metal. En activité depuis 89. Quand même. Hein. Il faut le préciser. C'est pas rien. Originaire de la Nouvelle-Orléans. Louisiane de son état. Le groupe se caractérise par des musiques lentes et des atmosphères lourdes, menaçantes, carrément, s'il vous plaît, voilà. Étendues, alliant des passages punk hardcore rapides. Ce qui rend pas le son dégueulasse en plus, quoi. C'est pas mal. C'est vrai. Crowbar est considéré comme l'un des groupes les plus influents de la scène metal Nola. D'accord. Voilà, Nola, qui est aussi le nom d'un album de I had God. Ah, presque, Dorn. Merde, j'ai hésité. Hein. Et Nola va dire originaire de la Nouvelle-Orléans. Ah, bah oui, je suis bête. Voilà. Faute. Voilà. Après, Crowbar, c'est Crowbar. Quand c'est. Voilà, t'es. allez écouter Crowbar. C'est pas mal, franchement, ça passe bien. Bah, moi, si je peux me permettre, autant il y a des titres qui m'ont emporté, ceux qui avaient souvent des accélérations, autant les autres. C'est lourd. Ah ouais, mais ouais. Ça m'a. Ah bah ouais, non. Mais c'est lourd dans le sens où ils essayent même pas à un moment donné de se dire on n'est pas un peu trop lourd là ? Non, on est bien. Et alors qu'il y a d'autres passages qui sont vraiment intéressants, je trouve. Mais. Moi, c'est. On va dire ça au chanteur. Non, parce qu'il a une grosse bebe. Mais il est petit. Oui, mais il a une grosse bebe. Je respecte la bebe. Oui, c'est ça. Mais toi, t'aimes bien ? Bon. J'aime bien, Crowbar. Bah, je les ai vus deux fois, je crois. Et à chaque fois, je suis resté devant. Non, j'aime bien Crowbar. Et tu n'as pas de CD de Crowbar ? Non. Tu pourrais ? Je pense que oui, je pourrais, ouais. Ouais, ouais. Dans une petite brocante, un vide grenier. C'est ça, voilà, ouais, un petit CD à 6,99€, opération vente flash. Bah non, bah là, c'est plus du tout ça. Un vide grenier, c'est 1€. Oui, non, mais je pourrais acheter un album de Crowbar à 7€. Bah regarde, il doit y être. Je suis un déglingo, moi. Je peux mettre 7€ dans un album de Crowbar, mon pote. D'accord, très bien. Quand j'aurai acheté tout ce que j'ai acheté, oui, que j'ai envie d'acheter, ah oui, peut-être que je me dirais, tiens, s'il y a un album de Crowbar à 7€, eh ben, peut-être que je l'achèterai. Et puis je fais qu'est-ce que je veux. Mais j'ai oui. Pardon. Voilà. Très bien. Donc c'est tout. Très bien. Ok. Crowbar, c'est sympa. Bon, ça me paraît très bien. Alors, dis-moi, pendant que Prophet of Rage, cover band des Rage, truste le monde avec son nouvel album et son engagement contre Trump, que fait le reste du monde ? Je pense qu'à mon avis, il essaye de vivre, déjà, premièrement. Oui, mais... Il peut éventuellement se nourrir. Oui, il peut faire ça. Mais est-ce que tu as pensé une seule seconde aux autres membres, par exemple, de Cypress Hill, par exemple ? De Cypress Hill ? Oui, bah oui, parce que dans Prophet of Rage, il y a des membres de Cypress Hill. Ah ouais ? Et ben, imagine que, je sais pas, moi, par exemple, Sean Dogg, entre deux raps endiablés de son groupe, qu'est-ce qu'il fait ? Bah, il aurait pu, par exemple, former Powerflow. Ah ouais. Ouais, Powerflow qui va jouer samedi en Main Stage 2, qui est un groupe de heavy metal selon Wikipédia, rap metal selon moi, de Los Angeles en Californie, formé en 2007 selon Wikipédia, 2014 selon les membres du groupe. Le line-up du groupe. Ah oui, il y a quand même une petite marge, hein, c'est pas. Ouais, parce qu'ils ont sorti un album en 2017, c'est pour ça. Le line-up du groupe comprend Enchanteur. Non, je comprends toujours pas. Senen Rice de Cypress Hill, Billy Grazadel en guitariste rythmique de Biohazard, Roy Lozano en lead guitar, un ex de Don Set, Christian Old Wahlberg à la basse issu de Fear Factory et à la batterie Fernando Schaffer de Worst. Leur premier album intitulé Powerflow est sorti le 23 juin 2017, je crois, je suis pas sûr de la date. D'accord. Du coup, c'est vraiment plus du rap metal. T'es vraiment sur un truc habituel de truc de rap metal. Ouais, vraiment le. Je dirais que c'est pas du tout désagréable à écouter. Ça passe vraiment bien. L'énergie est là. Peux être bang. Ouais, tu peux être bangé, c'est sympa. C'est pas ouf dingo. En fait, j'aurais tendance à dire que malheureusement, c'est un peu moins efficace que Prophet of Rage dans le sens où. Bah forcément. Tu vois, c'est un peu... Oui, mais pourtant, on est quand même face à une espèce de super groupe, si tu regardes bien. Ouais, oui. Mais c'est un peu moins efficace, c'est un peu plus mainstream, un peu plus commercial. Il y a moins le côté... en même temps, Tom Morello, il s'est fait agrouver, quoi. Donc, on n'est pas dans cette optique-là, là. On est moins dans cette optique-là, mais ouais. C'est très efficace, c'est très, très agréable, ça passe bien. Au milieu d'une playlist, c'est pas du tout chiant. Par contre, tu vois, j'ai bien aimé écouter, mais j'irai jamais me déplacer pour les voir s'il n'y a pas une raison particulière, quoi. Tu vois, je me dirais pas, ah, il y a Powerflow qui passe. Là, je te sens ultra convaincu, quoi. Ah ouais, non, vraiment, c'est vraiment, je serais pas en mode, tu sais, faudrait vraiment que j'ai une raison particulière qui me pousse à aller jusqu'à une. Parce que c'est une main stage déjà, et j'aime pas les main stage, mais ça serait vraiment quelque chose qui me dise, ouais. C'est bien. Ah bah, j'ai jamais dit que j'aimais en même temps. C'est comme moi avec Powerman 5000, par exemple. Peut-être, je ne sais pas. Qui est le petit frère de Rob Zombie. Ouais. Qui a fait un groupe aussi et qui était passé. Je me suis dit, tiens, c'est pareil, j'irai pas me déplacer pour aller voir. Même si c'est efficace, parce que niveau tech metal, c'est très Rob Zombie, ses débuts. Et voilà, pareil. Ouais, non, mais c'est. Je reconnais. Après, voilà, donc faudrait vraiment qu'il n'y ait rien d'autre 2 heures avant, 2 heures après, que je sois sur place et que je rentre. Ah. Sinon, non, j'ai pas, pas envie de pisser, qu'il n'y ait pas, qu'il n'y ait pas trust. Voilà, voilà tout ce que j'ai à dire sur Powerflow. C'est bien, allez écouter, personne ne va être déçu. Ça fait de... En fait, à la limite, je pourrais dire que c'est... Pour le côté super groupe, c'est un peu dommage de, d'avoir moins l'identité. Par exemple, il y a le mec de Fear Factory. Tu reconnais pas du tout le côté indus de Fear Factory. Ouais. Il y a le mec de Biohazard. Tu reconnais pas le côté... énervé, en colère de Biohazard. Ouais, t'as pas tout ça. Ça. Ça marche bien, mais c'est pas ouf dingo. Donc, il n'y a pas la patte de tout le monde. Quoi. Beaucoup moins que dans des groupes qu'on a pu déjà citer moult fois, qu'on ne recitera pas, parce que c'est un peu gênant au bout d'un moment. C'est vrai. Je t'en prie. Toi. Donc, moi, je finis, hein, je clôture, comme les JO. Non, je m'emballe. Non, c'est vrai, il y a une clôture. Mais en même temps, tu clôtures que ton groupe, parce qu'après, j'en ai encore. Bah, je clôture comme mon jardin. Ça va bien ? Oui, c'est bon, ça passe. Ça va. Donc, Exorder. Yeah ! Ah, je me mords la langue, et non. T'es pas très fort. Ah, faut arrêter de dire. Changer de nom de groupe, les mecs, parce qu'on se mord la langue. Exorder. Exorder. Groupe américain. D'accord. De thrash metal. Oh ! Groove Power. J'aime bien ça. Groove Power, ça groove et c'est puissant. C'est souvent. Ouais. Et c'est trash. Bah, et c'est groove et c'est power. En activité, donc, alors, c'est assez compliqué aussi. Ah. Hein, donc, depuis 1985, quand même. Oui. Enfin, leur début. Jusqu'à 94, 1900. Parce que 1800 après ça colle pas. Ça n'irait pas. Au niveau de ça bloquerait, ouais. Ben voilà, ce genre, il faudrait qu'ils soient retournés dans le passé. Et là. Pour dire. Ouais, enfin. Non, ça. Non, c'est pas possible. Ils ont repris en 98. Ils ont arrêté en 2003. Pour faire une petite pause. Ils sont en activité depuis 2008. Mais d'après ce que j'ai lu, on n'a plus de nouvelles d'eux depuis 2011. D'accord. Donc voilà. C'est du thrash metal de la Nouvelle-Orléans. Mmh. Ah, ça peut être intéressant. Voilà. Ils sont pas. Donc il y a des gens derrière qui font. C'est ça. Ouais. Avec des grosses contrebassines et des colliers. Bah oui. Ils ont plein de colliers. Ah, et des crânes. Et ouais, ils ont des crânes. Et des grandes voitures. Avec des maisons avec des balcons. Pour chanter sur les balcons. Parce qu'ils aiment bien les balcons. Je ne sais pas. Bonjour, bienvenue à. Cliché podcast sur les clichés. C'est ça. Les gros cons. Donc, formé en 80 quand même. Hein, ils ont mis 5 ans à sortir un album. Non mais, qu'est-ce que tu dis ? Est-ce qu'ils ont en activité depuis 85, mais pas. Ah d'accord, donc leur premier album est en 85. Voilà. Mais c'est pas du tout clair ce que tu dis. Non mais je précise en fait. Bah, donc, non mais tu viens me pourrir mon truc. Excuse-moi. Est-ce que je te demande des questions, moi ? Pardon. Ouais, j'espère que tu vas t'excuser. Bah, je viens de le faire. Pardon. Exact. donc, thrash metal de la Nouvelle-Orléans, formé en 80. Merci. Ses membres sont considérés comme les pionniers du son et du style défini comme le groove metal. Ah. Et ouais, mec. C'est j'ai écouté Exorder et c'est assez. Ça doit être thrash metal. Ah ouais. C'est pour moi, on reconnaît bien le côté thrash. C'est pour moi. Metal. C'est complètement pour moi. La voix est pas dégueu, ça va. Ah. Et le côté trash est bien trash. Ah bah c'est pour moi. Ouais. J'aime bien le trash. Écoute Exorder. J'ai écouté Exorder. Les premiers albums, alors qu'est-ce que j'ai écouté ? Ouais, je crois que j'ai écouté les premiers albums. Et le premier et peut-être le deuxième. Je ne sais plus. Donc appelé aussi post-trash ou encore US Power Metal. Ouh. On va loin là. Ouais, on va très loin. Bah on va jusqu'aux États-Unis. Bah ouais, le groupe se sépare. Se sépare 10 ans après sa formation. Par la suite, le chanteur Kyle Thomas rejoint Floodgate, Alabama Thunder Pussy, dont on avait parlé sur le podcast avant, et Trouble. C'est toi qui m'en avais parlé. Le groupe ne donne plus signe de vie depuis 2011. D'accord. Donc ils ont deux albums, deux démos, un split avec Suffocation, Malevolent Creation et Cancer. Et Cancer. D'accord. Voilà. D'accord. C'est tout. Tu as bien aimé donc ? J'ai trouvé ça trash, j'ai trouvé ça métal, j'ai trouvé ça trash métal. Moi ça me va, moi ça me suffit. Très très bien, d'accord. Ah non, c'est typique, hein, vraiment. J'avais dit qu'il passait dimanche à Altar ou... Non, tu l'as pas dit, mais tu peux. Bah, il passe dimanche à Altar. Voilà, tout à fait. Donc je passe à mon dernier groupe, à savoir Tozland, qui passe le vendredi en Main Stage 1. Dis-moi, Bob. Tout est dit. Je sais que tu le sais, mais peut-être que des gens ne savent pas qui a gagné le championnat du monde de Superbike en 2004 au guidon d'une Bugatti. Ainsi qu'en 2007, cette fois au guidon d'une Take-Kate Honda. James Toseland, né le 5 octobre 1981, mec du 80, c'est les vrais, à Rotterdam, en Angleterre, et comme tous les gens nés pendant cette merveilleuse année, une personne bien sous tout rapport. James Toseland est donc un pilote de moto de vitesse britannique. Tout à fait. Tu le savais, bah, j'ai dit. Bah, bien sûr. Après un petit passage par la MotoGP en 2008, il reviendra au monde du Superbike en 2010 et décide d'arrêter sa carrière après l'épreuve de Nürburgring 2011 à cause d'une micro-fracture au poignet droit. Un petit peu une chouchotte. Ouais, c'est clair. Mais savais-tu que James était aussi un bon pianiste et un bon chanteur? Oui. Ah, d'accord. Il a longtemps joué avec son groupe Crash, dont il s'est séparé en 2012 pour enregistrer son premier album solo en 2015, Renegade, suivi en 2016 par Cradle the Rage, ou plus communément traduit par Berceau de la Rage. Mmh. Et donc tu vas me dire, ok, tout ça c'est très bien, t'as fait ton petit passeport, tout ça, mais au fond, de quoi tu me parles, Tipa, que tu parles? Bah dis-moi. Et ben en fait, Toseland, c'est pas ouf. C'est, imagine, bon, quelle image tu as de Bon Jovi? J'ai un peigne. D'accord. Bon, alors, Bon Jovi, on va dire, dans ses débuts, a eu quand même quelques tubes. Et puis après, ouais, il est devenu vraiment mainstream, que des hits de radio, de tout pourri, tout ça. Ouais. Et ben moi, je dirais que Toseland, il est pile poil entre les deux, mais plus du côté du mainstream. C'est-à-dire qu'il a plein de... C'est un groupe pour main stage. Tu sais, tous les ans, on a ça. On a un groupe pour main stage qu'on se dit... Oh, je vais pisser. Vraiment, ouais. J'ai fini en 30 secondes. C'est vraiment, tu sais, t'as des groupes qui sont en main stage où on les regarde, on dit oui, bon, c'est rock, quoi. Ça apporte rien, ni plus ni moins. Je veux dire, et ben voilà, Toseland, c'est on ça. On en a vu l'année dernière. C'est vraiment le groupe que tu vois qui passe à la radio américaine, comme ça, entre deux trucs. D'accord. C'est vraiment ça, quoi. Il n'y a rien d'original, il n'y a rien de truc. C'est une espèce de Bon Jovi. Dégueulasse. Mais pas dégueulasse, parce que Bon Jovi, il y a quand même des titres dans le tout début qui n'était pas dégueulasse comparé à la fin de Bon Jovi, qui est complètement dégueulasse. Mais donc ça n'a pas d'intérêt, c'est pour la main stage, les gens qui vont être là vont passer un bon moment, autant que lui, je pense. Ouais. Mais voilà, c'est banal. Tu vois, c'est pas... Voilà. C'est pas ouf, c'est pas comme tu dirais. Donc du coup, c'est le moment de tirer les groupes. Est-ce que fais tu... Donc. On peut... Non. Vraiment pas? Non, pas. Ah oh, putain, mais... deux fois pendant l'épisode. Ouais. Bah tu meurs, Lorgan, mais, il y a ce qu'il mais faut. Attends, là. Mais attends, allez, mais... vas-y. T'as, on est à 1h45, bordel! Justement. On s'en fout, de toute façon, personne nous écoute. Ça sera pas toujours une excuse valable, ça. Si. Bon, alors. Si jamais il en reste un ou deux. Je vais parler du méga Neura, bien sûr de l'ère carbonifère, à savoir 345 millions d'années avant nos jours. Profitant de l'expansion du feuillage, c'est à cette époque qu'apparaissent les premiers insectes. Le méga Neura ressemble à une immense libellule, leur taille peut dépasser 50 cm et leur envergure atteindre les 70 cm. Vivant près des marais, ils se nourrissaient d'autres insectes et je m'en contrefous. Passons à la famille des Dévoniens, 400 millions d'années avant nos jours, ce qui ne nous rajeunit pas. Le Cocosteus, ou Cocosteus. Le Cocosteus a un cou articulé, comme poisson rapace aux puissants mâchoires avec de fortes plaques osseuses ressemblant à des dents. Tout petits à l'origine, ils deviendront plus tard les monstres pouvant atteindre jusqu'à 10 mètres de long. Ce qui est pas mal. Tiens! Un Bob en arrivage. Bon, les dinosaures, ça me saoule. Voilà, on va passer au groupe de la semaine prochaine. Non, bah non, pas de la semaine prochaine, du coup. Donc, on a fait un petit rapide calcul avec Bob, encore. Bon, on a fait un petit rapide, où on s'est rendu compte qu'on allait peut-être plus avoir assez de groupes. Donc, on va sûrement, on diminue. À combien passons-nous? Bah, 7. Non, ça fait plus. 4 et 4 4 et 4. Très très bien. Donc je commence parce que la dernière fois c'était toi. Oh. Ah, c'est parce que c'est regarde Tozland, c'était le dernier. Donc ça prouve bien que j'ai raison. Alors, tout. Cadavre dans ton cul. C'est pas grave. Cadavre, c'est pas grave, mais ça me fait plaisir. Parkway Drive. Ah, vas-y. Bah, non, bah tu es en train de noter, donc je peux pas. Bon, ça va. Alors. The Raven Age. Ça sent bon, ça. Oui, je connais. Tu connais? Ah oui, j'ai déjà beaucoup écouté. En plus? Ah ouais. Ariana. Voilà. Ariana. Ça me fait peur. Get the shot. Bah vas-y. Bah écoute, j'y vais. Get the shot. Oh non, putain, ah ça j'aurais kiffé que ce soit toi qui tombe dessus. Écoute, je vais être honnête, hein, je ne connais pas, je connais que deux noms. Pogo Car Crash Control. Oh, ça te va bien. Non. Pogo Car Crash, c'est pour toi. Je parle de voiture. Non, mais ça... Attends, normalement c'est ton truc les voitures. Eh ben non, justement, c'est pas mon truc. C'est justement pour ça. Iron Maiden, oh merde, oh, c'est quoi que ça ce soit toi. C'est con ça. Ah merde. Ah, je voulais vraiment que ce soit toi. Ah, c'est con ça. Ah zut. Tu vois comme quoi des fois la chance. Exhumer. Oh putain, je sens que ça sent bon ça. Ça sent pas bon. Ça sent bon. Bon bah voilà. Exhumer, ça peut pas sentir bon forcément. Bon. Hein. Du coup, bah voilà, on aura fait encore un très long épisode, hein, 1h51, en même temps beaucoup de news, on est désolé, on a un peu expédié la fin des chroniques, mais en même temps... Sans moi. On va peut-être essayer, avec comme on n'en a plus que 4, de les faire beaucoup plus longues. Non, je déconne. Ouais. Bon, alors la semaine prochaine, pas de podcast pour cause de concert d'Avatar à Paris, où potentiellement Road to Hellfest sera représenté par Bob, par Simonie et normalement moi-même. Par Simonie. Par oui. Parcimonie. Par parcimonie, oui. Ouais. T'as dit parcimonie. C'est pas simonie, son. C'est parcimonie. Ça va, les coups de poing. Vas-y. Bon, on verra. En faisant leur passage. Quand c'est pas moi que je le fais, c'est elle qui le fait. Très bien. Du coup, on vous souhaite à tous une 15 bons jours. C'est vrai que du coup, 4 groupes pour 15 jours, ça va. Tu vas pouvoir en écouter beaucoup, dis donc. Bah, c'est bien. Au moins, je suis sûr que je vais les écouter. Oui, tu auras peut-être même écouté les miens, dis donc. Tu veux pas écouter les miens aussi? Pourquoi? Pour faire ton boulot, c'est ça? Non, pour en échanger. Mais on échange quand? Il a pas réussi à faire ça, mais il a voulu. Très bien, et bien en tout cas, on vous souhaite... Non, mais je veux dire, quand on n'est pas... En même temps, on peut toujours enregistrer un autre jour. Peut-être la semaine prochaine, on verra. On peut tenter un truc, on verra. En direct d'Avatar. Ouais, voire peut-être pas en direct. Parce que ça sera... Ah si, ça se trouve, on pourra faire une petite interview. Ça j'y crois pas trop hein. Non j'aurais pas surtout ils sont quoi, ils sont finlandais norvégiens enfin ils parlent anglais mais pas toi. Ils parlent pas le patois. Bah non. Ah si, moi je parle un peu patois mais et anglais. Bah un peu ouais quand même. Bah si ça. yes ouais. Non enfin mon accent est à chier mais, ah oui d'accord je, ah oui non, tu peux arriver à que je peux me faire comprendre. Ah très bien, ok, autant pour moi. J'ai déjà été dans des pays anglo-saxons monsieur pour faire des voyages pédestre. Ah, très bien. écoutez, on vous souhaite un bon truc et c'est ça, tout à fait. Et à bientôt. Et puis merde. Et puis voilà, on vous aime. Et on vous aime. Oh non, ça fait trop d'amour là. Non, ça fait trop d'amour. Donc on vous aime. Et on vous emmerde. Merde, on va quand même bien fort. Et à bientôt. Quoi? Oh, dis donc, c'était pas bien, Jack. Ah bon? Pourquoi? De dire ce genre de choses. Bon. Bah quand même bien fort, dis donc. Et personne s'est plaint jusqu'à présent. C'est vrai. Voilà, ils ont qu'à se plaindre, les gens. C'est vrai, ça plaignez-vous, on veut. Bah ouais, attends, c'est facile. Ah, au fait, on tient aussi à dire qu'on passe sur une radio. Bah, c'est les notifs qu'on reçoit, la radio machin. Ah oui, oui, tout à fait. C'est sympa. Parce que quand on va passer sur la radio, on va avoir la fin. Enfin, si on a écouté jusqu'au bout, en même temps, on s'en fout. Ouais. Eh ouais, c'est ça qui est bien avec nous. Nous, on est des vrais. On fait vraiment... C'est de l'artisanat, hein, vraiment. Si, je voudrais passer une petite dédicace à Rockstour. Attends, comment c'est? Je suis désolé. Chemin faisant, la bière faisant. Ah oh, merde. Ouais, Rockstour Décibel. Pourquoi? Voilà, qui est une association, tout simplement, de, du coin, qui promouve, je ne sais pas comment on dit, des groupes de rock de, du pays Saint-Lois et de, voilà, Rockstour Décibel. J'avais dit que je passerais une petite dédicace. Est-ce que tu as d'autres choses à dire dessus? Oui, ils sont toujours forcément à la recherche de groupes. Et ouais, ce serait pas mal qu'ils, justement, soient un petit ça peu serait, plus... Alors, dans le, ça serait pas mal que t'en dises avant 1h52 de podcast. Ouais, c'est vrai. Donc je pense que tu seras obligé de refaire dans la prochaine émission. Je referai une dédicace à Rockstour Décibel. À Rockstour. Rockstour Décibel. Dans la prochaine... dans le prochain podcast. Totalement. Très bien. Et eh ben c'est noté, j'essaierai de... Non mais c'est au cas où il y aurait des groupes du coin, voilà. Mais je pense pas... Mais je lui ai dit... Je le ferai et je l'ai fait. Mais de toute façon, il n'écoute pas le podcast, donc de toute façon, il s'en branle. Oh, ouais, ça c'est violent. J'essaierai de les taguer si je les trouve. Très bien. Eh bien, bonne chose à vous et à bientôt. On se retrouve dans les plus brefs délais parce que, mine de rien, c'est assez sympa à faire. N'hésitez pas, on a ouvert un Tipeee. Est-ce que c'est assez sympa? N'hésitez pas. On a ouvert un Tipeee. Si vous voulez nous faire des dons, n'hésitez pas. Et c'est ça que je voulais te dire et que je n'ai pas dit. Pour les t'as ouvert un Tipeee? Non, j'ai ouvert un Tipeee. Un kiwi. Ah putain, il était déconner. Trop bon, il était sucré. Et je devrais le faire pour la blague. Voir si les gens, ils donnent. Ah bah tu vois, ça m'étonnerait de l'air. Avec ça, on ferait des contreparties toutes pourries. Genre on ferait des... Si des... on pourrait faire des t-shirts. Non mais on fera... Un road to Hellfest. Ouais, ou des photos, mais des photos où on voit pas notre gueule. Des photos dédicacées de nous qu'on voit pas. Ah bah si, il y a des dédicaces, on peut en faire. Bah oui, oui, bah c'est pour ça. Ah, faut que je planche là-dessus. Je le mets dans la liste de projets. Bah cool. je planche sur les t-shirts. T-shirts ou les mugs. J'ai acheté des transferts, là, je pense qu'on va voir. Ah ouais, ouais. Moi ouais. Aussi j'ai des transferts. Eh bah on va voir ce que ça donne. Ah bah ouais. Laquelle on va essayer. Ouais. On s'en fout. Enfin, tu t'as demandé à l'auteur de la photo? Parce que je veux dire, il... T'as peut-être pas le droit. Ouais, enfin, ça après, c'est un connard. Je pense que, à mon avis, je peux l'entourlouper tranquille. Après, je paye 2 ou 3 bières. Ah oui, bah, c'est, pas que... c'est pas l'entourlouper, ça. Ou du gym, tranquille. Le mec est sympa. Non, et oui, du coup, ce que j'avais pensé faire, c'est... En même temps, c'est pas que pour lui, hein. Je veux dire, c'est pour nous. C'est pour un... La sauce. La sauce, c'est pour un commun. Pour le média. Non, on aurait pu inscrire... C'est des frères de métal, mais bon, bah, c'est pas grave. Tant pis, s'il voit pas ça comme ça, bah, il va se faire mettre chez... Mais il a jamais dit qu'il voyait pas ça comme ça. Oui, sûrement qu'il le prendra. C'est facile de dire ça. Hein. Enfin, moi, ce que j'en dis, je pense qu'il peut prendre facilement contact avec la population grecque. Ça n'a aucun sens. Je pensais qu'on aurait pu inscrire... merde, c'est quoi le nom de notre groupe? De pathétique, ouais. Au tremplin de... tout à fait, hein, de Voice for Hell. De Voice for Hell, motoculteur. Oui, aussi, voilà, totalement, carrément, bah, j'y ai pensé, et puis je me suis dit, non, on va peut-être éviter, parce qu'il n'existe pas ce groupe. Il existera peut-être même. Mais c'est dans la... Mais c'est... Si, dans un avenir proche. Espérons-le. Genre... Ah. Comme, enfin... Je sais pas. Ah bah c'est pas... Ah bah après c'est assez proche, hein, vu comment les années filent. Dans 20 ans, c'est très très proche. Bon allez, on arrête le podcast. C'est bon, c'est une dingue. Eh bien, à bientôt. Ah, 58. Oh là là. Ah, bisous. Bon, on est à combien? 58. Bon, on peut encore traîner une minute et trois. Et... Ah, bon allez. Tu crois vraiment que c'est utile d'aller jusqu'à 2h? Oui, je pense. Non, c'est pour mon karma. Ah, oh, super, bravo! Le mec pisse dans un évier, rote à un micro. C'est à cause de ça qu'il n'y a personne qui donne sur le Tipeee. Hein. C'est vraiment à cause de ça? Écoute, on est punk, on n'y est pas. Bah, non, bah oui, mais pardon. Est-ce que, bah, du coup, t'as le droit. Ouais, non, tiens, je vais faire ça pour la blague. Je vais voir le Tipeee, j'ai quand même. Eh bah, écoute. Avec des copains. 1 euro? Hein? Non, 1 euro, c'est trop. Ah, donc, non, mais il y a tout. Tu peux faire plusieurs types de contreparties. Ah, ok. Ouais. Là, vas-y. Genre le prix du t-shirt, on le déduit totalement comme ça. Non, mais pas pour gagner de l'argent, mais faut voir. Ah, normalement, quand tu fais un Tipeee... Ah bah non, un Tipeee, t'es pas obligé. C'est un ulule, c'est quand c'est pour un projet, mais un Tipeee, c'est pour payer pour les gens que t'aimes bien ce qu'ils font. Je serais assez capable de payer pour moi. C'est drôle, j'aime bien. Et moi, je te paierais aussi. Et ouais, non. Ah ouais, tiens, on pourrait faire ça. La première contrepartie, c'est genre 5 euros. En contrepartie, bah, c'est on vous paye une bière dans un concert quand on vous voit. Et vu qu'on fait quasiment jamais de concert... Bon, mais leur dis pas, Chinade et Avatar. Leur dis pas, ils savent pas. Travomite et Tayana Jones. Eux, ils savent pas, si tu leur dis pas, ils savent pas. Non, on peut faire que des trucs comme ça. Peut-être Clutch Chant des Sons. Pardon ? Clutch Chant des Sons. Ah, avec leur nouvel album en plus. Ouais. Ouais. Ouais, ah. Ça me tente bien. Il reste 15 secondes. Alors, attention. On vous aime. Attends, alors, attends, ouais, alors. 10, 9, 8. Ouais. 7! Banané! Oh merde, j'accule au précoce, c'est un pic! Voilà, bonne soirée. Et salut.